Stephen King aime les caravanes, Stephen King aime le shilling, Stephen King a écrit Dr. Sleep et Mike Flanagan l'a adapté. Bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris une fois encore, salut. Salut. Comment vas-tu? Eh ben écoute, la semaine dernière on était là pour enregistrer, il faisait pas loin de moins 10, là aujourd'hui il fait 10. Oui, ce qui est un coup de chance parce que comme j'ai une fenêtre qui ne ferme plus, si on était dans le négatif dehors, je pense qu'on s'amuserait. Voilà, exactement, mais globalement cet appartement veut nous tuer. Ouais. Voilà, je pense qu'en fait on est dans la véritable chambre 1408. C'est peut-être ça, ou alors je suis juste dans un appartement qui a besoin de travaux, et comme je suis un pauvre podcasteur, je n'ai pas de quoi les faire, il y a peut-être un message dans cette phrase, voilà. Si vous le comprenez, j'ai un PayPal. Donc aujourd'hui nous allons parler de Dr. Sleep, un roman publié en 2013, qui est la suite de Shining, un des grands classiques de King, et de son adaptation par le réalisateur Mike Flanagan, sorti en 2019, qui a fait 152 minutes dans sa version cinéma et 180 dans son Director's Cut, sorti uniquement en Blu-ray Collector. Et c'est de cette version-là qu'on va parler, majoritairement. Voilà, c'est ça, même si les différences sont pas monumentales, mais on y reviendra très rapidement. Je propose qu'on y aille tout de suite. Comme d'habitude, nous allons spoiler le livre et le film, et aussi Shining, par la force des choses. Oui. C'est parti. Eh ben allons-y. Dr. Sleep nous raconte l'histoire de Danny Torrance, le petit enfant héros de Shining, qui en grandissant est devenu alcoolique, et alors qu'il est en train de se remettre, il est entré aux Alcooliques Anonymes. Il fait la connaissance par lien psychique d'Abra, une petite fille qui a elle aussi un Shining très puissant, et qui est entrée en contact sans le vouloir avec le Nevray, un groupe de vampires itinérants du Shining qui cherche et tue des enfants. Arrête de rire! Qui cherche et tue des enfants pour voler leur vapeur, leur Shining et s'en nourrir. Des vampires clodo itinérants du Shining! Il faut le résumer quand on peut. Hein. Alors, Stephen King dit dans la postface du livre qu'une suite à Shining, c'était quelque chose qui lui était assez régulièrement demandé en interview, enfin sans forcément lui demander de l'écrire. C'était assez régulier qu'on lui demande s'il avait une idée de ce que devenaient Danny et sa mère après les événements de Shining, parce que c'est un de ses livres qui a eu le plus d'impact sur les lecteurs. Par exemple, il fait remonter ça dès l'époque de Sackdoss, c'est une question qu'on lui posait donc déjà dans les années 90, et lui-même il y pensait de temps en temps, dit-il, il se demandait à cet âge-là, que fait Danny maintenant, mais l'élément déclencheur, ça a été une réflexion d'un de ses amis, donc je cite King ici, « Quand un codépendant se noie, c'est la vie d'un autre qu'il voit défiler. » La codépendance, ça désigne les proches de quelqu'un qui est alcoolique, c'est une expression qui est employée aux Alcooliques Anonymes. Donc ça a été... un des éléments déclencheurs pour pousser King à écrire cette histoire, en plus d'une anecdote dont il a entendu parler, une légende urbaine qui effectivement avait fait pas mal parler d'elle, celle d'un chat dans un hospice qui allait se coucher sur le lit des personnes mourantes. Bah, les chats qui annoncent la mort dans les hôpitaux, c'est même assez fréquent. Hein. Ouais, plutôt dans les hospices, je pense, aussi dans les hôpitaux. Enfin, dans les hospices, dans les couloirs, voilà, c'est assez... C'était pas forcément dans une légende urbaine que j'en avais entendu parler en premier. Mmh. Même dans d'autres œuvres, ça s'est déjà vu. Oui, je crois qu'il y a des explications scientifiques à ce sujet-là, non? Ah, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Peut-être. Je crois qu'il y a eu des recherches et ce serait potentiellement une histoire de poussée de chaleur de certains mourants s'ils sont malades. Et donc le chat recherche tout simplement la chaleur, en fait. Donc le chat est tout simplement un connard. Oui. Mais voilà. Voilà. Mais ça, on savait déjà que le chat est une créature de Satan. Ouais, c'est ça, mais ça m'amuse de me dire qu'on prête des pouvoirs mystiques à un animal qui non fait juste son connard. Et on dit ça alors qu'on aime tous les deux beaucoup les chats. Ouais, c'est ça. C'est en faisant la promotion d'Under the Dome, pour la première fois le 19 novembre 2009, lors d'une lecture animée par David Cronenberg. D'accord. que King évoque pour la première fois la possibilité concrète de cette suite en décrivant rapidement l'histoire qu'il voudrait écrire, donc en disant que Danny Torrance, à la quarantaine, qui travaillerait dans un hospice pour aider les patients à aborder la mort avec sérénité, il parle pas encore des vampires du Shining à l'époque. Et le 1er décembre 2009, il poste un sondage sur son site officiel en laissant au lecteur le choix entre deux projets qu'il avait en tête, donc Dr. Sleep, et un livre qui se passerait dans l'univers de la Tour Sombre, précisant que ce vote ne signifiera rien si ma muse reste silencieuse. Encore une fois, je citais King. À la fin des votes, le 31 décembre, on a des résultats très serrés, c'est Dr. Sleep qui gagne de peu avec 5861 voix, mais le livre de la Tour Sombre en a 5812. Et malgré ça, il terminera de toute façon en premier le livre lié à la Tour Sombre, c'est La Clé des Vents, qui sort en 2012, et qui est effectivement plus court que Dr. Sleep, donc c'est peut-être la seule raison pour laquelle il a été terminé avant. Mais il avait déjà à l'époque bien entamé Dr. Sleep, puisqu'il avait pu en lire un extrait le 23 septembre 2011, deux mois avant d'annoncer qu'il avait terminé le premier jet. Et d'ailleurs, l'audiobook de La Clé des Vents, qui sort donc en avril 2012, je crois, contient le prologue de Dr. Sleep, lu par King. Afin d'assurer la continuité avec Shining, King se fait assister par Rocky Wood, qui est un auteur qui avait fait de nombreuses recherches sur son œuvre, qui a publié plusieurs livres à ce sujet-là, et qui était donc apte à connaître Shining dans les moindres détails ou à faire les recherches nécessaires, et il pouvait trouver toutes les incohérences que King aurait pu laisser dans Dr. Sleep, parce qu'évidemment il a relu Shining avant de l'écrire, mais enfin, il n'a pas forcément pris des notes au fur et à mesure. Il a fait confiance à sa mémoire brute, quoi. Ouais, c'est ça. La première date de publication annoncée, c'est le 15 janvier 2013, mais King n'était pas assez satisfait de son manuscrit et il voulait le corriger encore, donc le livre est décalé de 9 mois et il sort le 24 septembre 2013, en grande pompe avec des éditions collector chez les éditeurs Cemetery Dance et Odor & Stroughton, donc c'est Odor & Stroughton, je crois que c'est britannique, et aux États-Unis, c'est Scribner qui publie l'édition standard, comme avec la majorité des livres de King depuis un bon moment. En interview, King a dit que dans le premier jet du livre, il y avait une scène qui était absente, une scène qui est pourtant assez importante en termes d'intrigue et de place, c'est celle où Danny se réveille chez une inconnue complètement junkie après une énième cuite dans un bar, et qu'il vole l'argent de la femme qui est en train de... enfin, qui est plus ou moins dans le coma à ce moment-là, hein, de ce qu'on nous dit, alors qu'elle a un bébé dans l'appartement et que Danny le sait. Et c'est vrai que la culpabilité liée à ça le hantera pas mal tout au long du livre. Et en fait, c'est une scène qu'il avait pas mis, et c'est son fils Owen qui l'a incité à la mettre, en disant qu'il fallait qu'à un moment on voit Danny à son point le plus bas pour qu'après il puisse remonter la pente, et il comparait ça, il citait comme exemple, Owen King, la scène dans Shining, qui n'est que dans le livre, qui est pas dans le film, dans laquelle Jack et ses amis croient avoir tué un gamin à vélo, tu sais, parce qu'ils ont renversé un vélo, mais sur lequel il n'y avait personne, je crois. Oui, c'est dans les flashbacks du passé de Jack. Ouais, c'est ça, c'est totalement absent du film. De Shining Kubrick, tout ce qui est l'introduction avec l'appréhension de la famille, plus tous les flashbacks qui les concernent, c'est absent du ouais, c'est du ça. Film, parce que le film commence au moment où ils arrivent à l'Overlook. Alors, dans la version longue, t'as un moment, un flashback sur le moment où... où un médecin vient voir Danny, qui s'est cassé le bras, et qu'on apprend que c'est son père qui lui a cassé le bras. Mais c'est effectivement la seule référence, et c'est pas dans la version la plus connue du film. Je sais même pas si j'ai vu la version entière de Shining. King pense que tout alcoolique a un tel souvenir, en fait, un point le plus bas qui va être une sorte de fantôme et en même temps une motivation pour se remettre, pour aller sur le chemin de la rédemption, entre guillemets. Pour ne pas retomber, quoi. C'est ça. Et dans le cas de King lui-même, il évoque en interview que c'est une fois où il a été viré du match de baseball d'un de ses enfants pour y être venu avec de l'alcool. Ce qui est aux États-Unis visiblement interdit. Oui. Bah oui, parce que t'as cette loi qui dit que tu dois pas avoir d'alcool visible dans un lieu public. Ouais, c'est pour ça que dans les films, dans les séries, on nous montre à chaque fois la bouteille d'alcool dans un sac en plastique. Ouais. Enfin, non, pas en plastique, justement, dans un sac en carton. Ouais, mais apparemment, il l'avait dans un sac en carton quand même, et on l'a quand même viré. Après, peut-être que le stade n'est pas considéré comme lieu vraiment... Bah, de son avis, c'est plutôt privé, logiquement. Donc, Oui. Bon, après, c'était peut-être même une école, hein, si c'est le match d'un de ses enfants. Oui, en plus. C'était peut-être même pas un vrai stade. Ah oui. Après, ça reste un traumatisme moins grave que celui de Danny dans le roman, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il aurait peut-être eu plus de problèmes avec la justice si ça avait été vraiment un traumatisme consistant à abandonner un bébé avec une junkie dans le coma. On en reviendra à ce passage-là parce qu'il est assez différent entre le film et le roman. C'est d'ailleurs le livre de King où l'alcoolisme et les réunions chez les alcooliques anonymes sont évoqués de la manière la plus forte, même si son œuvre est absolument bourrée de personnages alcooliques à différents stades de la mission. Mais là, c'est vraiment frontal, quoi. Mais là, oui, c'est la seule fois où c'est vraiment ultra frontal. Et où et surtout, c'est des passages où il n'y a aucun élément fantastique, les passages réunions d'alcooliques anonymes. Ouais. C'est très terre-à-terre, c'est très... ce qu'on pourrait penser la réalité. Ouais. N'ayant jamais eu besoin de m'y rendre, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais tu peux penser que ça ressemble à ça. Oui, à mon avis, c'est ce qu'il dit, vu qu'il y est beaucoup allé lui-même. Le livre est très bien reçu par la critique américaine, qui parle d'un livre moins terrifiant que Shining, évidemment, mais tout de même plein de tensions, bien rythmé et traitant habilement du thème de la lutte contre l'alcoolisme. Il gagne le prix Bram Stoker 2013 du meilleur roman, et comme toujours avec les romans de King, il atteint la première place de la liste des best-sellers du New York Times, au moins la semaine de sa sortie. J'ai eu un peu la flemme de vérifier combien de temps il y était resté. Parce que j'étais un peu en retard dans mes recherches. Je pense qu'il y a eu un effet soufflé. Non, parce qu'il a été bien accueilli et bien reçu comme livre. Alors, il fait pas partie des listes des meilleurs King que je peux trouver, mais en même temps, c'est le cas de la majorité des livres récents, ce qui est lié, je pense, tout simplement au fait qu'il n'y en a aucun qui a eu le temps de devenir culte, comme on peut le devenir Le Fléau, comme on peut le Shining. Le temps d'être tout simplement d'être digéré par le public et d'être lu et relu plusieurs fois et par plusieurs générations, même. Donc, ouais, c'est ça. C'est aussi ça le souci. Sachant qu'en plus, dans le cas de Dr. Sleep, il y a le fait que c'est une suite à Shining, donc que ceux qui vont être attirés par ce livre-là, c'est en priorité ceux qui ont déjà lu Shining. Oui. Ça limite un peu plus le public, peut-être. Il y a un petit côté, nostalgie et attente qui peut peut-être biaiser la vie de certains. Ouais. Et donc, on va pouvoir justement passer à nos avis. Je te laisse la main. Alors, Dr. Sleep, c'était... très long, c'était très pénible, c'était très ennuyeux. Je pense que on va être d'accord tous les deux sur ce point-là. Dr. Sleep, c'est un roman qui a une introduction interminable, qui a des retournements de situation totalement imbitables et incompréhensibles et illogiques, et qui a une conclusion tout aussi interminable que son introduction. Alors la conclusion, j'ai vérifié, elle est pas si longue que ça en réalité, c'est qu'on devait vraiment en avoir marre. Voilà, c'est ça. Bah la conclusion, elle fait quoi? Elle doit faire peut-être une cinquantaine de pages, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, je crois. C'est la dernière partie, elle fait une vingtaine de pages. Ah d'accord, ouais. Oui. C'est que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. C'est passé la fin d'une œuvrée, ça dure qu'une vingtaine de pages. D'accord, c'est vrai que vraiment, j'en pouvais plus. Alors par contre, tant qu'on est dans les stats, il faut 280 pages avant qu'Abra se rende compte que son... rêve sur le petit joueur de baseball tué par le Neuvray n'était pas un rêve. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut plus de 200 pages pour qu'enfin il y ait une avancée réelle scénaristique. Bah quasiment. Et surtout 300. qu'il y ait un enjeu. Ouais. Parce que jusque-là, il n'y a pas d'enjeu en fait dans ce putain de roman. Et c'est le souci principal. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, on en parle, j'ai beaucoup aimé les passages avec Abra, sur sa présentation, qu'on voit que. Qu'elle possède le Shining et qui se manifeste de manière de plus en plus forte au fur et à mesure. Ça, j'aime bien, parce que j'aime bien l'intégration du fantastique dans cette petite famille qui est comme n'importe quelle petite famille américaine. J'aime bien comment c'est fait. Le problème, c'est que c'est entouré d'autres personnages dont on en a rien à foutre. Et c'est triste à dire, mais Danny, on en a rien à foutre de ce qui lui arrive. Et c'est vraiment triste, parce que c'est un personnage très attachant dans Shining, le premier roman. Et là, on a affaire à un connard alcoolique dont on se fiche totalement parce que, comment dire, il nous est présenté comme un personnage qui, avant même d'avoir touché le fond, a déjà baissé les bras et avant même d'avoir un début de rédemption, t'as l'impression qu'il baisse encore les bras, quoi. À aucun moment, t'as l'impression qu'il reprend vraiment son destin en main ou qu'il veut faire en sorte de vraiment le reprendre en main. Il faut qu'il soit bousculé par d'autres personnages. Il ne sert qu'à ça, il sert juste à être le faire-valoir d'autres personnages. Ce roman, en fait, ça pourrait être juste l'histoire d'Abra sans que Danny ne serve à quelque chose au final. Parce que si il devient vraiment le personnage principal du roman, c'est uniquement parce qu'Abra le contacte. C'est à aucun moment grâce à lui que les choses avancent vraiment. Oui. Et du coup, c'est pénible de le voir lui toujours mettre en avant, alors qu'il y a des personnages beaucoup plus intéressants, et même s'ils sont imbitables et qu'on dirait des clodos en vadrouille à travers les États-Unis, même le Nevray, s'ils étaient mieux développés, il serait plus intéressant que le Danny Torrent qu'on nous présente là. Et c'est pour ça que c'est un roman très frustrant au final. Bah, c'est oui, et moi même Danny Torrance, je trouve qu'il pourrait être intéressant parce que ces personnages qui sont au fond du trou, qui n'ont pas envie d'y aller et qui se laissent complètement entraîner par les autres, c'est un type de personnage que je peux bien apprécier parce que, pour prendre un comparatif, c'est quand même plus ou moins aussi, pour des raisons très différentes, le statut du personnage principal d'Evangelion par exemple, qui est. Qui est juste dépassé par les événements. C'est aussi le cas pour ceux qui ont lu du protagoniste de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est des personnages qui sont face à un destin beaucoup trop grand pour eux et qui, eux, sont juste des... pas des trouducs, mais des gens lambda avec des problèmes, des problèmes graves dans le cas de Danny. Et c'est le genre de truc que je peux trouver attachant. Mon souci principal avec Danny, c'est que, pour moi, je comprends pas la construction du récit et les choix des ellipses, parce qu'on va le voir au fond du trou avec la scène avec la junkie, justement. On va le voir arriver dans une nouvelle ville parce qu'il a besoin de s'enfuir, hein, plus ou moins. Là, il va être pris sous son aile par un mec des Alcooliques Anonymes. Alors, je sais pas si c'est réaliste, mais déjà, le côté bon samaritain parfait du personnage de Billy, personnellement, j'ai du mal à y croire, mais ça, admettons que peut-être il y a des gens réellement comme ça aux Alcooliques Anonymes. Ou même dans la vie, en règle générale. Même dans la vie, en règle générale. Toujours est-il qu'on quitte Danny là, et après il y a une longue ellipse, et on le voit plusieurs années plus tard. Alors, effectivement, il y a cette idée que les alcooliques ne sont jamais vraiment soignés, et que l'envie de boire peut toujours revenir, peut toujours être là, qu'il faut toujours continuer à se méfier. Mais finalement, on l'a pas vu réellement remonter la pente, et donc on a beau nous répéter que l'envie de boire ne disparaît jamais, j'arrive pas du tout à le ressentir, ça. Surtout qu'il y a dans mon souvenir, qu'un seul moment dans le livre où c'est vraiment très mis en avant, c'est après la fusillade. Enfin, ça, c'est peut-être dans le film qu'il hésite à reboire après la fusillade contre le Nevray. Oui. Mais je crois que c'est dans le livre aussi. On en reparlera parce que c'est très bizarre comment c'est foutu dans le film. C'est en fait, j'arrive pas à ressentir son alcoolisme comme une menace réelle alors que c'est censé être l'enjeu principal pour Danny finalement, limite plus que le Nevray. Dans le roman aussi, il y a une scène qui est plutôt réussie avec ce moment-là, c'est quand il s'arrête sur le parking d'un bar d'autoroute. Ouais, où il appelle du coup son pote des Alcooliques Anonymes, donc Billy, et où ils ont une longue conversation sur ça, avec l'autre qui lui donne conseil, et qui lui donne des bons conseils en plus, ouais. Pour arrêter ce passage-là. Déjà, oui, on sent que c'est un passage que probablement King a peut-être déjà vécu, et... De ce fait, il est très bien écrit et la scène est assez touchante. Ce passage-là fonctionne plutôt bien dans cette scène. Ouais. C'est juste qu'il fonctionne plutôt bien dans le roman. Il tombe mal, je trouve, parce qu'il n'a pas été assez préparé avant. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère les passages d'Abra, en fait. Parce qu'Abra, on la voit toute gamine. Et même si les ellipses sont assez longues, parce qu'il y a un moment où on se tape quand même une ellipse de quasiment 10 ans. Ouais. Donc ça passe vraiment. Mais je trouve que ça marche plus avec Abra. On la voit un peu plus, entre guillemets, grandir. Alors que Dany, les flashbacks sont vraiment. Tu te retrouves avec un personnage en fait qui t'as l'impression qu'il a totalement changé d'une ellipse à l'autre. Ouais, ça marche mieux avec Abra, mais du coup il aurait fallu qu'il y ait peut-être des signes de menace plus tôt, même avec elle, pour vraiment se plonger dedans. Après, tu vois, moi ce que je reproche au personnage de Danny, c'est que c'est un archétype de personnage qu'on a l'habitude de voir, et qu'on a l'habitude de voir que ce soit chez King ou chez d'autres auteurs. Alors que Abra, un personnage comme ça qui a conscience de son pouvoir, parce qu'elle en a conscience assez tôt, ouais. Et qui assez tôt veut l'utiliser pour faire le bien. C'est pas un archétype qu'on a l'habitude de voir chez King. Parce que l'un des seuls personnages là qui me vient en tête qui a des pouvoirs qu'il veut utiliser pour le bien, c'est le personnage de Dead Zone. Mais le personnage de Dead Zone, au bout d'un moment, s'il les utilise, c'est, faut dire ce qu'il est, un petit peu parce qu'il se fait chier dans sa vie. Oui. Et carrément, il se dit, allez, je vais les utiliser parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose parce que je m'emmerde. Alors que Abra, elle a vraiment une once de bonté en elle. Et c'est pas quelque chose qu'on a fréquemment chez King, en fait. Ça change un petit peu des personnages qu'il a l'habitude de dépeindre. Ouais, effectivement. Après, le côté découverte de pouvoir, moi, j'ai eu pas mal envie de le... Enfin, envie. C'est plutôt inconscient, mais je trouve que c'est fait aussi dans Charlie et dans l'Institut. Et c'est mieux fait dans les deux, surtout dans Charlie. Ah, c'est peut-être parce que du coup, c'est deux romans que je n'ai pas lus, donc... Ouais, ça joue probablement. Peut-être pour ça. Et même le Nevray, vraiment, si le Nevray... dans le bouquin avait eu des flashbacks, mais des vrais flashbacks de 100 ans, 200 ans dans le passé, ça a vraiment pu être intéressant. Le problème, c'est qu'on nous les montre comme des clodos lambda qui... Enfin, des clodos... comme Bah si, en fait, comme Claude Lambda, qui sillonne les routes américaines à la recherche de proies, quoi, c'est tout. Le problème d'une œuvrette, c'est que oui, c'est super intéressant la thématique de ces êtres millénaires surpuissants qui sont en train de se rendre compte qu'ils perdent leur puissance, qui sont en train de, bah, d'être dominés dans la chaîne alimentaire, entre guillemets. Ils étaient les maîtres du monde et ils le sont plus maintenant. Le souci, c'est que vu les pouvoirs qu'ils continuent à avoir et vu leur situation, je comprends pas, en fait, même en ayant perdu une partie de leur puissance, qu'ils soient des, ouais, bah, des clodos dans des caravanes. Les mecs, ils vivent plusieurs milliers d'années, donc ils ont des souvenirs énormes. On voit que certains ont des vrais pouvoirs psychiques. Certains ont des vrais pouvoirs psychiques, même ceux qui n'ont pas la capacité de manipuler les esprits, ils ont au moins la capacité de fouiller dedans. C'est Rose, oui, peut faire ça, on le sait. Enfin, quand t'as la capacité de fouiller l'esprit de n'importe qui, en réalité, et que tu vis depuis 2000 ans, mais t'as juste le monde dans ta main, tu peux faire ce que tu veux, c'est, tu vas avoir n'importe quel chef d'État, tu trouves des secrets crades pour le manipuler. Des gens qui peuvent vraiment manipuler directement les esprits, on nous dit que c'est plus rare, mais on nous dit aussi que ça s'est déjà vu. Donc pourquoi ils ont pas pris le contrôle de toutes les puissances mondiales, en fait, c'est ça la question que je me pose, c'est comment ils peuvent en être là. Et puis sinon, tout simplement, même si t'as pas de pouvoir, à partir du moment où t'es quasi immortel et où tu vis sur des centaines d'années, t'as le temps de te faire, comme on dit, un carnet d'adresses, de connaître des gens, de monter dans la société et du coup d'avoir une place intouchable. Ouais, même c'est sans ça. Avoir de pouvoir, en fait, tout simplement. Mais ça c'est ce que des vrais récits autour du mythe vampirique ont écrit en beaucoup mieux depuis des années et des années, quoi. C'est pour ça que les vampires sont quasiment toujours immensément riches. Hein, voilà, typiquement, ouais, dans beaucoup d'œuvres. Alors que là, bah... c'est un truc qui pose vraiment problème, parce que je ne comprends pas leur pouvoir. Je ne comprends pas, et je crois que c'est évoqué à un moment, même Rose se pose la question, comment ils ont fait pour ne pas localiser Dany. Oui. Dany est quand même décrit comme étant, certes pas au niveau d'Abra, mais comme étant assez puissant au niveau de son Shining. Et on sait que Rose, elle peut localiser quand même un gros rayon autour d'elle quand elle cherche. Mmh. Alors dans le cas d'Abra, effectivement, elle cherche directement Abra, donc ça lui permet d'aller plus vite. Mais elle peut se la jouer un peu cérébro en temps habituel et chercher en vrac un peu partout. Elle a le temps, quoi. Elle a que ça à faire de ses journées. Alors après, c'est pas dit clairement dans le roman ni dans le film, mais moi, j'ai vécu ça comme un moment où on nous explique qu'en fait, que quand il est ado ou jeune adulte, il boit volontairement pour justement diminuer l'effet de son Shining, pour que son Shining arrête de l'emmerder. Il veut pas être, entre guillemets, possédé par le Shining. Oui, c'est d'accord, mais quand il est gosse. Et donc peut-être que c'est ça qui a fait que Rose le visionne pas. Et après, pour le passage gosse, j'ai pas d'explication. Parce que visiblement, Rose, elle cherche surtout les enfants. Voilà. Après, bah, je me dis, quand il était à l'Overlook, ça doit être la puissance maléfique de l'Overlook qui a dû bloquer le truc. Mais bon, il y est pas resté, voilà, il y est resté juste une période dans sa vie, quoi. Bah, c'est ça. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un gros moment de logique. Et l'incompréhension de Rose est même peut-être encore plus mis en avant dans le film. Mais en mode, vraiment, on est des bolos de pas l'avoir détecté. Ouais. Donc voilà, il y a des gros problèmes de construction par rapport au Neuvray. Il y a ce truc qui reviendra dans le film d'ailleurs, du personnage d'Andy la Vipère. Alors, elle a pas le même, c'est pas traduit de la même manière dans Andy, le livre. Andy la Picouse. Ouais, Andy la Picouse dans le livre. Est-ce que c'est la traduction française qui a mal fait son boulot, ou est-ce que c'est une différence de nom dans le film? Alors, c'est une histoire de traduction française du livre. Je vous place un mot là-dessus, je suis pas plus renseigné que ça parce que j'ai pas lu en VO Dr. Sleep, mais visiblement la traductrice, il y a des débats sur la qualité de ses traductions parce qu'elle prend pas mal de liberté en termes de langage. Moi personnellement, je considère qu'effectivement une traduction, ça doit surtout respecter l'esprit d'une œuvre, et que donc les libertés sont pas forcément mauvaises, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez critiqué concernant cette traductrice-là. Il y a un article du Club Stephen King, si ça vous intéresse, sur ce sujet-là. Parce que tu vois, là, dans le descriptif fait par King, c'est vrai que j'avais pas tilté, et d'ailleurs, il faudrait que je relise pour voir. Dans le film, on voit bien qu'en fait, c'est deux trous, deux incisions qu'elle fait au niveau du cou. Ouais. Et donc, oui, ça fait penser à la morsure d'un serpent, donc d'où Andy la Vipère dans le film. Est-ce que dans le roman, c'est juste une piqûre qu'elle lui fait, ou est-ce qu'elle lui fait deux trous aussi? Ça, je ne sais plus. C'est ça, en fait, qui m'a mis le doute. Est-ce que c'est là, du coup, la traduction qui est pas bonne, ou est-ce que ça a changé dans le film? Sachant que dans le roman, elle est beaucoup plus violente dans ce qu'elle fait aux hommes, contrairement à sa version filmique. Ouais, ouais. Sachant que, ben voilà, en fait, c'est un personnage qu'on va nous présenter beaucoup dans le début du livre, donc on va se dire que c'est un personnage important, et non passé toute cette période d'introduction, elle devient un membre d'une vraie, comme les autres, assez en retrait. Et bah, du coup, pourquoi nous l'avoir autant présenté? Pourquoi en avoir fait un personnage important au départ, si c'est pour pas plus l'utiliser? J'imagine que c'est parce que c'est la nouvelle membre qui arrive, donc c'est pour nous présenter le vrai dans son ensemble, mais c'était... Enfin, il y avait probablement moyen de faire ça autrement, et plus rapidement, si c'était pour jamais s'en servir après. Surtout que du coup, le film se prend un peu les pieds dans le tapis avec elle à un moment. Parce qu'en fait, dans le roman, on nous explique bien son aversion qu'elle a envers, envers le genre masculin. Ouais. Parce qu'elle a, elle a subi des traumatismes liés à ça, elle a été violée dans son enfance. Voilà, on connaît les dérives de King à ce sujet en général, sur les personnages féminins traumatisés, qui en général sont traumatisés uniquement par un viol. Ouais. Voilà, c'est malheureux, chez King, c'est un peu son... un petit peu sa, entre guillemets, marque de fabrique. Hein, on aimerait bien que ça change, mais voilà. Et en fait, à un moment, dans le film, c'est pas du tout évoqué, ce passage-là. Dans le film, à aucun moment, on te laisse penser qu'elle a une aversion particulière envers les hommes. Et à la fin, au moment où elle veut tuer Danny, vraiment, c'est en mode pourriture d'hommes, voilà. Et, bah, c'est fait assez discrètement. Sort, pas, en fait. Ouais, en fait, t'as l'impression plutôt qu'elle est en chasse aux pédophiles dans le film, parce que ça, pour le coup, c'est traité avec dans sa première scène. On y reviendra, c'est vrai que là, on est un peu en train de dériver sur la deuxième partie. Mais ouais, c'est pas dit qu'il y a un problème avec les hommes de manière générale. Voilà. On peut faire l'association à la limite, mais... Il y a tout ce passage très ridicule dans le roman où on se rend compte que le Neuvray, donc, qui est quand même considéré, enfin, qui, c'est pas considéré, c'est des êtres immortels qui ont vécu des centaines d'années, qui ont normalement connu énormément de choses et bah, qui meurent les uns après les autres à cause d'une maladie infantile. Genre, ça leur est jamais arrivé en plus de 500 ans, 600 ans, on ne sait pas. C'est plusieurs milliers d'années, à un moment, c'est évoqué qu'ils étaient déjà là au temps des pyramides. Voilà, c'est ridicule. C'est, genre, ça ne leur est jamais arrivé de tomber sur une maladie infantile. Parce que, ouais. Donc, ils sont contaminés par la rougeole et... Bah on le sait, la rougeole, c'est une maladie qui est plus... Enfin, plus on est âgé, plus c'est grave, simplement. C'est une maladie bénigne quand on est enfant, et quand on est adulte, on en morfle un peu plus. Bon, il se trouve que le Neuvray, c'est carrément mortel pour eux. C'est quand même assez ballot pour des êtres censés être immortels. Ah, en même temps, si ça se renforce avec l'âge, c'est sûr que quand t'as 2000 ans, voilà, c'est compréhensible que ce soit devenu surpuissant. C'est ça. Mais tu dis, mais à quel moment ça leur est jamais arrivé? À quel moment... Ils ont quand même eu du cul pour à chaque fois buter des enfants, parce qu'en plus ils ne butent que des enfants, donc potentiellement des êtres humains qui ne l'ont jamais eu de maladie infantile, puisque c'est à l'âge où tu les chopes. Et genre, ça leur est jamais arrivé de tomber sur un enfant. C'est vraiment la faute, t'as pas de chance, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, et puis ben, par rapport aux enlèvements d'enfants, on en revient au problème de leur puissance, c'est en autant de temps, pourquoi ils n'ont pas mis en place une sorte d'élevage d'enfants en réalité? C'est-à-dire, ils peuvent attraper des gamins qui ont le Shining et qui ont un Shining puissant. Ouais. On découvre, quand ils parlent d'Abra, alors visiblement c'est quelque chose qu'ils hésitent à faire parce que ça présente des risques, mais qu'ils peuvent plus ou moins utiliser un enfant avec un fort Shining comme une vache à traire, ouais, plutôt que de le tuer. Donc pourquoi en fait ils font pas des élevages avec des enfants qu'ils pompent régulièrement de leur Shining et où en même temps ils les font se reproduire entre gamins contre Shining pour avoir d'autres enfants contre Shining? Enfin, oui, c'est horrible, mais... Personnellement, je suis un vampire millénaire sans aucune morale, j'ai besoin de ça pour vivre, bah je mets ça en place, quoi. Mmh. Et tu appuies sur le fait sans aucune morale, et je trouve que dans le roman, c'est maltraité ça, parce que il y a des moments où on te les montre comme des mecs qui n'ont aucune morale, et il y a des moments où on te dit, enfin, on te suppose que bah, c'est la loi de la nature, c'est comme ça, et pas autrement, quoi. Des fois, limite, on te les pose comme des victimes, en fait. Genre, ils sont obligés de survivre comme ça, bah soit, quoi, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Je trouve que c'est assez mal géré. Il y a vraiment des moments dans le film, enfin dans le film, dans le roman, où je me disais, bah en fait c'est juste des pauvres bougres qui sont, voilà, oui, qui sont liés par leur... Ce qui en soi serait intéressant. Ce qui en soi serait intéressant, mais et du coup c'est bizarre parce que le roman passe... Bah, là, à la limite, je veux bien comprendre, parce que eux, de leur point de vue, si c'est leur nature, si c'est la nature, bah, ils se voient pas comme étant immoraux, ils se voient juste comme étant, comme devant le faire. Par contre, tout le monde en face va les voir comme étant des monstres immoraux. C'est non, au problème... même titre que je pense que l'antilope, elle voit le lion comme étant un monstre. Mais le problème, c'est que, c'est que si King voulait faire ça, il nous les montrerait quand on est chez eux comme des gens normaux. Alors que des fois, même quand on est chez eux, on nous les montre comme des monstres. Ouais. Alors, eux-mêmes ont des attitudes de monstres, alors que bah, si c'était la volonté, on les montrerait comme des êtres humains normaux. Ouais, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, que je trouve très, très bizarre. Mais donc, oui, cette histoire de Rougeul est quand même assez incroyable. Il y a aussi, au niveau de la construction, je trouve que Owen King a tort, pour le coup, qu'on n'aurait pas dû voir autant toute la partie où Danny est vraiment au fond du trou. Mm-hmm. En fait, c'est quelque chose, pour moi, dans la construction, qui aurait dû arriver parfois en flashback pour qu'on ressente vraiment... En fait, qu'on prenne Danny quand il commence à aller mieux et qu'on ait ces flashbacks de ces périodes sombres pour qu'on sente vraiment la menace de quelque chose qui pourrait ressurgir. Mm. Mais avoir que tout dans l'ordre chronologique, ça donne trop l'impression que c'est derrière lui, je trouve. Puis surtout, ça prend une plombe. En plus. Il y a ce personnage, moi, que j'aime beaucoup, enfin, que je trouve intéressant, parce que ça me fait penser à des personnages tout droit issus de X-Files ou de... Comme on le voit souvent chez James Wan, donc des personnages de médium. Oui. Il y a ce personnage-là qui mène une enquête sur Abra, qui apprend son existence, puis après qui assiste à l'anniversaire, qui voit l'histoire avec les... et qui du coup a totalement disparu du film. Mais en fait j'aime bien ces personnages-là qui sont ancrés dans le réel, qui sont persuadés que quelque chose de surnaturel existe, et qui du coup font leur maximum tout au long de leur vie pour prouver l'existence de cette chose surnaturelle. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ces personnages-là, et du coup c'est un personnage que j'aimais bien, et c'est pareil en fait, c'est un personnage qui, comme Andy Lapicure, nous est présenté vraiment pas mal de fois dans les flashbacks de Abra, et qui au bout d'un moment disparaît totalement. Oui, qui sert à rien dans l'intrigue. C'est potentiellement intéressant, mais il n'apporte strictement rien. Voilà, c'est très étrange. C'est le même, vraiment, c'est le même traitement que quand on dit. Alors, il y a exactement le même stéréotype de personnage dans les Tommyknockers. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un journaliste qui passe le livre à enquêter et qui ne sert à rien. Oui, exactement, c'est vrai. Pas très bon roman non plus, Tommyknockers. Non. On parlera. Alors, on en a déjà parlé hein, quand on a traité de Peur Bleue, il me semble que c'est à ce moment-là qu'on en avait parlé en podcast. King, quand il traite des créatures mythologiques, vraiment mythologiques, loups-garous, vampires, extraterrestres, en général, ça donne pas des bons trucs. Hein. Ouais, c'est souvent un peu moyen. Pour le coup, Peur Bleue, il a adapté le mythe du loup-garou comme un vrai mythe de loup-garou, alors que là, il essaye de faire des choses à sa sauce, et à chaque fois ça prend pas, t'as l'impression qu'il essaye de faire plus, mais du coup c'est tellement plus que ça devient too much. Bah après il avait déjà fait les vampires vu qu'il avait fait Salem, qui était mieux, qui du coup était plus vampire, vraiment vampire. Ouais. Alors que là c'est des vampires du Shining, grosse métaphore vampire de l'âme quoi, en gros. Hein, voilà. Il y a des passages où Abra flippe de rose et l'imagine avec une grande dent énorme en milieu de mal. Heureusement que Flanagan l'a pas fait parce que ça aurait été ridicule. Ouais. Parce que rien qu'à lire, c'était ridicule. Pareil, la résolution, moi, me pose problème. Enfin, tout l'acte final. Bah, encore une fois, le souci, c'est que Danny est très peu actif. L'idée en soi de la vengeance par maladie interposée, via, en fait, c'est Danny va recueillir les derniers souffles de la grand-mère d'Abra et aller les souffler sur tous les membres survivants d'une vraie. Et c'est ça qui va les achever alors qu'ils étaient déjà bien attaqués par la maladie. Et Rose, c'est Abra qui va la tuer en prenant son contrôle et en la poussant par-dessus le parapet de ce qui était l'Overlook. Déjà, ça passe très rapidement, je trouve. C'est, en fait, le plan se déroule quasiment sans accroc. C'est-à-dire, oui, Danny souffre en ayant la maladie de la grand-mère en lui, mais son plan, enfin, c'était prévu. Il le savait dès le départ, il n'y a aucun moment où il y a d'imprévu. À part très rapidement quand Rose va essayer de se rebeller, mais Abra va rapidement régler le problème. Donc, encore une fois, je ressens pas vraiment de danger pour les persos. On sait qu'Abra est bien plus puissante que l'intégralité d'une vraie en combat psychique, donc elle est jamais vraiment menacée à ce niveau-là. Ou non, oui, ils veulent arrêter une menace, mais une menace qui les met pas en danger directement. Et j'ai envie de dire, bah ouais, c'est des mecs de toute façon en train de mourir qui capturent un gamin de temps en temps. Voilà, c'est pas non plus énorme comme menace, quoi. C'est pas un danger monumental, oui, le vrai. C'est pas un danger planétaire, quoi. Ils ont pas pour but de dominer la planète, ils ont pas pour but d'exterminer l'espèce humaine. Ce qui est vraiment surprenant, au moins, pour la domination de la planète. Hein. Oui, clairement. Mais bon. Il y a aussi cette explication un petit peu capillotractée à base de il y a de moins en moins d'enfants qui naissent avec le Shining parce que le monde d'aujourd'hui, vous comprenez, avec Internet, Netflix, les nouvelles technologies... Ça je me suis demandé si c'était pas juste les mecs qui étaient des vieux cons et qui associaient ça... Alors que c'était une autre raison, que s'ils ont aucune preuve pour le coup de ça, c'est peut-être juste... Mais du coup, tu as le doute, tu dis, est-ce que c'est du second degré ou est-ce que King serait pas en train de virer vieux con, là? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Alors, je dis Netflix, mais dans le roman, ça ne l'est pas. C'est pas cité, c'est dans le film que c'est cité, ouais. Netflix. Ce qui, du coup, me fait rire, parce que bon, Flanagan a un petit peu lui aussi vendu son âme, du coup, à Netflix avec Jesse, mais bon. Oui, du coup, au moins de la part de Flanagan, c'est possible que ce soit du second degré, parce que même, The Hunting of Hill House, c'est sur Netflix. Oui. Bon. Là, je me dis, c'est quand même assez particulier. Non, mais voilà, c'est un roman dans lequel j'arrive jamais à ressentir de tension. Abra est le seul personnage à qui je m'attache un peu. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de moment horrifique. Enfin, les seuls moments d'horreur, c'est au début, quand les fantômes de l'Overlook hantent encore Dany. Ouais. Il y a des passages qui sont réussis. Moi, je trouve que le passage avec, le zombie de la vieille dame dans la salle de bain est plutôt réussi. Ça fonctionne. Bah après, c'est le seul moment vraiment terrifiant du roman, quoi. Autre choix que je trouve pas très bienvenu, c'est cette idée selon laquelle... la grand-mère d'Abra aurait été la maîtresse de Jack Torrance, et que donc Abra est la nièce de... Enfin, je suis pas très bon en lien de famille, mais serait la nièce de Dany. Ça sort de nulle part. Pourquoi? C'est pas nécessaire en réalité. Et surtout, ça amène dans l'épilogue cette discussion entre Abra et Dany sur le fait qu'elle a peur de son attrait pour la violence. Mais autant dans le cas de Dany, qu'il ait hérité de l'attrait pour la violence de son père, c'est compréhensible, étant donné qu'il l'a vécu, il l'a fréquenté de près, et ben on sait que les victimes de ce genre de choses dans leur enfance ont régulièrement tendance à reproduire ces comportements-là. Oui, comment dire, un enfant battu deviendra un parent qui bat. Mais Abra, elle n'a pas du tout vécu ça, ses parents ils sont adorables. Oui. Donc pourquoi... Enfin, ça donne l'impression que c'est dans les gènes, et là, je suis un peu plus sceptique. Ses parents sont même tellement adorables que ça en devient limite... c'est limite honteux, ce qui arrive à son père, que ce soit dans le roman ou dans le film. Alors, dans le roman, il meurt aussi? Il me semble qu'il meurt dans le roman, oui. Je crois pas dans le roman. Ah bah du coup, c'est honteux ce qui lui arrive dans le film. Oui, surtout qu'il meurt comme... À vérifier, mais je crois que dans le roman, à la fin, il est encore là. Hein. Ah bon, il faudra vérifier, j'ai un doute. On vérifiera... pendant une coupure, et on confirmera ou pas. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment pas un très bon roman. Non, c'est moi, comme je l'ai dit, il y a des trucs qui pourraient être intéressants, mais qui sont pas développés, donc ça en devient frustrant. Ouais. Et tout le reste, c'est juste pénible à lire, quoi. Voilà. Ah. C'est un roman pénible. C'est pénible, ça dure des pompes, quoi. C'est ça. C'est du gâchis de se dire que c'est la suite à Shining, c'est la suite à un livre culte. Et il faut que ce soit raté, même si c'était pas la suite à Shining, ce serait raté. Mmh. On passe au film ? On passe au film et on va se marrer aussi. Ouais, c'est parti. Magique, comme moi. Écoute-moi. Le monde est féroce. Sinistre. Salut, toi. Je n'ai rencontré que deux ou trois personnes comme nous. Elles sont mortes. Quand j'étais petit, je tombais sur ces trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est de la magie. J'appelle ça le Shining. Mmh. Et grâce à la magie du montage, j'ai pu vérifier par rapport au père d'Abra, et en effet, il ne meurt pas dans le livre. My bad, voilà. Confondu. En même temps, comme c'est un personnage dont on se fout un peu, je comprends qu'on puisse oublier ce genre de détails. Oui, puis pour l'émission, je relis, quand j'ai pas lu, je lis et je regarde le film dans la foulée, et même quand j'ai déjà lu, je relis et je regarde le film dans la foulée, donc... Ça peut amener des confusions, des ouais. Des fois, ça peut se mélanger un peu, surtout quand les romans font « What mille ans », elles sont chiants, et qu'on a tendance à s'en foutre un peu. Donc le film, je vais pas en refaire le résumé, parce que l'histoire est basiquement la même que celle du livre, on reviendra sur les différences assez rapidement. Oui, bah les différences sont amenées du fait que c'est également une suite au Shining de Kubrick. C'est ça, on en parlera en temps venu. Le travail sur une adaptation de Dr. Sleep est entamé par la Warner Bros. Dès 2014, en même temps que ses premières réflexions pour une éventuelle série préquelle centrée sur l'Overlook Hotel, qui est toujours au stade de projet aujourd'hui entre les mains de J.J. Abrams. Et ça, pour le coup, ça pourrait être intéressant, si c'est bien fait. Alors franchement, moi, j'ai pas du tout envie de voir ça, parce que je pense que ça gâcherait complètement le mystère autour de l'Overlook. Je sais pas. Pour moi, l'intérêt de l'Overlook, c'est que tu ne sais pas d'où vient la menace. J'ai vraiment pas du tout envie de voir ça. Surtout par J.J. Abrams, qui pour moi, dès qu'il fait une série avec des mystères, est pas bon, quoi. Ah, ça dépend. Après, faut voir, hein, mais en plus, Abrams, là, il est en train de commencer à bien pomper les œuvres de King. J'ai peur de ce qu'il va pouvoir faire. C'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, on va pas se mentir. C'est bien ce que je vois, oui. C'était très bien pourtant Super 8. Oui, c'était un bon film, mais... Alors, parenthèse, je me rends compte qu'en fait, Super 8, c'est un film que j'aime comme un faux souvenir d'enfance. C'est-à-dire, je l'aime comme si je l'avais vu quand j'avais 8 ans, et du coup, je trouve ça un peu triste. C'est un film qui apporte rien à rien, en fait. Parce que, parenthèse, je dis ça parce que je sais que Super 8, c'est le seul Abrams que t'aimes bien. Non, c'est Mission Impossible 3. Ah oui, c'est vrai, celui-là aussi. Ouais. Mais que du coup... Super 8, c'est le seul film qui a compris comment fonctionnait la nostalgie, même si c'est pas de la vraie nostalgie. Et ces Star Trek sont pas mal aussi, en plus. C'est vrai. Abrams. C'est plutôt en série que je l'aime pas. Bref, fermons cette parenthèse. Donc, les droits, on remarque encore une fois que les droits du livre avaient été achetés juste après, voire juste avant la publication du roman, ce qui est le cas avec à peu près tous les King maintenant, en réalité. Même si le travail d'adaptation n'est pas lancé immédiatement, au moins les studios l'ont sous le coude. Mais c'est tellement un nom qui fait vendre. Oui, c'est ça. Tout simplement. En 2016, on parle d'Akiva Goldsman comme devant être le producteur et le scénariste de cette adaptation. À l'époque, il était aussi impliqué dans la production très chaotique de La Tour Sombre, et il est cité comme scénariste de La Tour Sombre, donc réécoutez notre deuxième épisode si vous voulez en savoir plus sur lui. Mais le projet traîne encore, parce que notamment la budgétisation du film pose problème. Ils n'arrivent pas à déterminer un budget pour ce film. Mais en 2017, en septembre 2017, il y a la première partie du Ça de Muschietti qui sort, et c'est un énorme succès. Donc évidemment, là, c'est tous les studios qui vont commencer à se réveiller, à se dire « Ouais, il faut accélérer la production des King qu'on a sous le coude, il y a moyen que ça marche ». Et notamment, bah, ça, c'était déjà la Warner qui produisait, donc ils ont déjà Dr. Sleep sous le coude, donc ils donnent un gros coup de boost à la production. Ils engagent Mike Flanagan pour l'écrire et le réaliser. Donc Mike Flanagan, c'est un réalisateur qu'on a déjà évoqué en parlant de Jesse, qui était sorti en 2017, donc je pense que ça a pesé dans le choix. Ça, plus le fait que c'est un réalisateur qui peut travailler rapidement et qui s'était un peu spécialisé dans l'horreur, donc ça paraissait un choix cohérent. Au final... Je suppose qu'il est à peu près reparti de zéro en termes de scénario. Akiva Goldsman avait apparemment écrit un scénario, mais il est plus du tout cité comme scénariste, et quand Flanagan en interview parle de son travail, il cite pas du tout la présence d'un scénario préexistant. Alors Goldsman n'est cité plus que comme producteur exécutif au générique final du film. Donc je suppose que vraiment Mike Flanagan a tout repris à zéro. À partir de là, la production va aller assez vite, parce qu'il est embauché donc en janvier 2018, le tournage commence en septembre et se termine en décembre, puis le montage et le film sort courant en 2019, Mike Flanagan étant son propre monteur. Et il va amener aussi une partie de son équipe avec lui, donc des gens dont on a déjà parlé dans le podcast sur Jesse, donc sur lesquels je ne vais pas insister. Donc à la production, on retrouve Trevor Macy, on retrouve Michael Fimoniari à la photographie, les Newton Brothers à la musique, et au casting Henry Thomas, qui jouait le père de Jesse dans le film et qui joue Jack Torrance dans Dr. Sleep, Karel Strucken, qui jouait Raymond Andrew Joubert, le psychopathe dans Jesse, et ici il joue Grandpa Flic, et Bruce Greenwood, qui jouait Gérald dans Jesse, et le docteur Dalton dans celui-là. À la production, on a aussi John Berg, qui est un producteur principalement actif au sein du DCU. Et donc là, on a le McFlanagan univers. Ouais, voilà, il est au sein de tous les meilleurs univers du monde. C'est-à-dire que le mari de Jesse a été à une réunion alcoolique anonyme en tant que host, et après, il a été mourir comme une merde dans son chalet. C'est ça. Voilà. Excepté une fois au chalet. Voilà. Et en même temps, faut pas oublier qu'il y a Dolores Claremont qui tue son mari. C'est ça. Il faut pas oublier ce truc incroyable. Mais c'est pas Mike Flanagan qui l'a fait, celui-là. Non, mais il en parle, ouais. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura une adaptation de Mike Flanagan, qui sait. Ouais, un remake de Dolores Claremont, j'ai hâte. Au niveau du casting, des autres membres du casting qui n'étaient pas dans Jesse et qui n'avaient d'ailleurs jamais collaboré avec Mike Flanagan auparavant, dans le rôle de Danny, on retrouve Evan McGregor, un acteur écossais qui a été révélé dans les premiers films de Danny Boyle. Donc dans ses premiers rôles, on a entre autres Petit Meurtre entre Amis et Trainspotting qui sont exceptionnels, et Une Vie Moins Ordinaire aussi, mais celui-là je ne l'ai pas vu. Non plus. D'accord. Mais j'aime beaucoup Evan McGregor. Oui, et Danny Boyle. Oui, moi aussi, clairement. Je trouve que c'est un très bon acteur et c'est dommage qu'il ait si peu à jouer ici. Ouais, effectivement. Alors par la suite de sa carrière, déjà à l'époque des Danny Boyle, il jouait dans d'autres films d'auteurs britanniques. Il est dans The Pillow Book de Peter Greenaway qui est assez intéressant, et dans Velvet Goldmine de Todd Haynes, que je n'ai pas vu mais qui a très bonne réputation. Et il va accéder à un succès hollywoodien grâce au rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la prélogie Star Wars. C'est le rôle pour lequel le grand public le connaît majoritairement. Ouais. Et après, en fait, pendant toute sa carrière, il va osciller entre des gros blockbusters. Il est dans The Island, dans Alex Rider, Ranger des Mondes, Jack le Chasseur de Géants, Birds of Prey, et des films, entre guillemets, d'auteurs, d'auteurs de plus ou moins grande ampleur. On le retrouve dans Big Fish, dans The Ghost Writer, Moulin Rouge, c'est plus ou moins un film d'auteur. J'ai pas vu Moulin Rouge, donc... J'ai hésité à comment classer Moulin Rouge. Il est très bon dans Bird of Prey. Ouais. Il est dans Le Rêve de Cassandre, dans The Impossible de Juan Antonio Bayona. Donc il est dans plein de chouettes films et il aime bien diversifier sa carrière, ne pas être que dans des gros trucs. C'est typiquement le genre d'acteur, je pense, surtout qui choisit ses films. Ouais. Voilà, qui choisit ses films, ou alors qui a un bon agent qui est dans le même état d'esprit que lui, quoi. C'est ça. Et il est aussi dans la saison 3 de Fargo, que je n'ai pas vu. J'en ai vu aucune, donc... Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais je me suis rendu compte en préparant la chronique que Dr. Sleep mis à part, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film avec lui. Oui. Ça faisait longtemps surtout qu'il a pas joué dans des gros films... Voilà. À part Birds of Prey, mais je l'ai pas encore vu. Après, il joue le méchant, ouais. Et il le fait bien. En même temps, malgré tout son talent, il n'aurait pas fait une bonne Harley Quinn. Non, c'est vrai. C'est... Et McGregor a lui-même eu des problèmes d'alcool par le passé, il a lui-même fréquenté les alcooliques anonymes, donc c'était un rôle qui pouvait être assez personnel pour lui. D'accord. Dans le rôle de Rose the Hat, on a Rebecca Ferguson, une actrice suédoise qui, assez jeune, a joué un des rôles principaux d'une série appelée Nia Tider, une série suédoise que personne ne connaît sauf les Suédois, mais c'est pas des vrais êtres humains. Putain. Et elle est devenue connue avec une série appelée The White Queen, une série britannique dans laquelle elle interprète la reine d'Angleterre Elizabeth auprès d'Edward IV, donc 15e siècle, que je n'ai pas vu mais qui est visiblement très bien comme série. Pas vu non plus. Et au cinéma, ce qui l'a fait vraiment connaître, je pense, c'est son rôle dans les Missions Impossibles à partir du 5e. Ouais. Et elle est dans le 6e aussi, elle doit revenir dans ceux qui sont en préparation en ce moment. Et depuis, on l'a vu dans pas mal de films assez réputés, The Greatest Showman, Life, Origine Inconnue, Florence Foster Jenkins, et elle sera dans le Dune de Villeneuve aussi. Mmh. Elle jouera la mère du héros. Et du coup, c'est pareil que McGregor, c'est une très bonne actrice, mais bon, elle n'a pas grand-chose à jouer ici. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, on y reviendra, parce que sa performance est souvent mise en avant, alors que... Bon, voilà. Elle est souvent mise en avant, alors que, tu vas l'aborder maintenant, la vraie performance du film, c'est la jeune actrice qui arrive juste après. Ouais, c'est ça, c'est Kylie Curran, qui joue Abra, donc on est encore à son tout début de carrière, elle a quasiment pas joué à part ça, en même temps elle a une quinzaine d'années maintenant, donc on peut se dire qu'elle a sa scolarité à faire. Et clairement, j'espère qu'on la verra ailleurs, parce que, wow. Ouais, elle est vraiment très très bien, elle a joué pas mal au théâtre apparemment, à Broadway, elle avait un petit rôle dans Le Roi Lion à une époque. Mais, elle, elle... mais ouais, j'espère vraiment l'avoir plus parce qu'elle est très très bien. Ouais, clairement, elle est très très douée déjà à son âge, donc ça laisse présager du bon pour la suite de la carrière si elle continue sur cette voie-là. Ouais, carrément. Dans le rôle de Billy, il y a Cliff Curtis qui a joué des rôles secondaires dans pas mal de films plutôt prestigieux. En fait, je connaissais pas du tout sa tête, mais je suis pas physionomiste. Mais il est dans À tombeaux ouverts de Scorsese, Training Day de Antoine Fuqua, qui est un des Antoine Fuqua que je trouve le plus réussi. Ouais, même peut-être son meilleur film. Hein. Ouais. The Fountain d'Aronofsky, derrière le retour en enfer. Bon. On peut pas signer des chefs-d'œuvre tout le temps. Ouais. On retrouve Danny Boyle puisqu'il est dans Sunshine. Ouais. Excellent film. Excellent Sunshine. Il est dans Hobbs & Shaw de David Licht aussi. Il joue le frère de The Rock. D'accord. Et il a joué aussi un rôle dans Fear the Walking Dead. Je ne sais pas si tu as vu celle-là. Oui, je vois très bien qu'il joue. Il joue Travis. Oui. Fear the Walking Dead, j'ai dû voir les 2-3 premières saisons. Et j'ai l'impression qu'on en parle à tous les épisodes depuis quelques temps. Il aura aussi un rôle dans les suites d'Avatar. D'accord. Voilà, il jouera le chef d'un groupe de Navi autre que celui qu'on a connu dans le premier Prestige. Le reste du casting est moins connu, mais on peut citer quand même leurs noms. Dans le rôle de Crodaddy, on a Zach McLarnon, qui est aussi apparu dans Fargo, mais dans la saison 2. Dans le rôle de la Vipère, on a, donc la picouse dans le livre, on a Emily Allen Bind, qui a joué un tout petit rôle dans l'excellent Hunter the Void de Gaspar Noé. Mais c'est vraiment un minuscule rôle, c'était juste pour citer Hunter the Void. Oui, c'était juste pour que tu juste pour dire du bien de Gaspar Noé. C'est ça. Se connaît. Et on va citer aussi deux autres personnes, Carl Lumbly qui joue Dick Halloran et Alex Esso qui joue Wendy Torrance. Et les deux, je les cite parce qu'ils en chient à mort pour imiter respectivement Scatman Crothers et Shelley Duvall et d'une certaine façon. J'ai eu pitié d'eux pendant tout le visionnage du film. Alors, cela dit, ils sont pas aussi ridicules que celui qui essaye de jouer Nicholson. Alors, Wendy, je trouve que c'est chaud. Ah ouais ? Autant Scatman, celui qui joue Halloran, ça va, parce que de base, le personnage était moins dans l'exagération que ne le sont les deux autres, donc c'est peut-être plus simple à imiter. Mais Wendy et Jack... Alors, j'espère qu'ils ont bien été payés. Ah oui, putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au moins, celle qui... Wendy, au moins, physiquement, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais, c'est, pas, alors c'est déjà que, ça. Vraiment, celui qui joue Nicholson, mais il y a zéro ressemblance, quoi. Ouais. Il y a vraiment... Toujours... De dos, oui. De dos, oui, avec les cheveux longs, d'accord. Mais vraiment, la scène dans le bar fantôme, c'est ridicule, quoi. Ouais, on en reparlera plus avant dans nos avis, parce que je vais réévoquer un peu ce sujet-là en parlant de la production. Donc avec ce film, le projet de Mike Flanagan, c'était... de faire une sorte d'adaptation croisée, parce qu'il voulait adapter Dr. Sleep, évidemment, mais il voulait aussi adapter le Shining de Kubrick. Il voulait faire la suite, le Shining de Kubrick. Parce que, pour lui, on ne peut pas oublier le Shining de Kubrick, en fait. C'est un film trop présent dans l'imaginaire collectif pour pouvoir faire l'impasse dessus. Oui. Sur ça, je suis d'accord. C'est impossible de l'oublier. Après, tu peux le laisser tranquille là où il est aussi, quoi. C'est pour ça qu'il y a certains éléments qu'il a été obligé de changer par rapport au livre Dr. Sleep pour pouvoir instaurer la continuité, parce que l'élément le plus frappant, c'est que dans le livre Shining, à la fin, l'Overlook est détruit, il explose parce que Jack a allumé la chaudière et a laissé la chaudière sans faire baisser la pression. Et dans le film, par contre, l'Overlook est gelé sur place, donc il est encore là. Ce qui, pour tout le final du film, va introduire une différence majoritaire puisque le final va se passer dans les couloirs de l'Overlook. J'ai une petite citation de Mike Flanagan à ce sujet. « Shining est très ancré dans l'imaginaire collectif cinéphile. Peu de films le sont autant. Il n'existe aucun autre langage pour raconter cette histoire. Si vous me dites « Overlook Hotel », des images me viennent. Elles sont dans ma tête grâce à Stanley Kubrick. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. » Donc c'est le vrai Mike Flanagan que vous venez d'entendre. Précise. Il est très bon imitateur. Ouais. Ou alors on vous cache mon identité secrète depuis des années, et dans ce cas-là, je m'auto-insulte régulièrement sur deux épisodes, ouais. En comptant celui-ci. Des problèmes de troubles dissociatifs de la personnalité. On essaie de soigner, mais c'est compliqué. Voilà, mais heureusement, du coup, j'ai fait Hotting sur Netflix et je suis très content de moi. J'ai toujours pas vu, mais vraiment, vu tout ce que j'ai vu de Flanagan, c'est hors de question que j'attende maintenant. Stephen King n'a jamais été satisfait par le film de Kubrick, c'est quelque chose de connu. Stephen King n'a jamais aimé Mike Flanagan. Ah si, ça par contre, c'est salaire. Et donc, bah, il était assez réticent à l'idée de laisser Mike Flanagan faire une suite aussi au film de Kubrick. Il aurait voulu que ce soit pas du tout pris en compte. Mais ce qui va le convaincre d'accepter cette idée-là, c'est quand Mike Flanagan va lui pitcher son idée pour la fin du film. Et donc la fin du film de Flanagan sur Dr. Sleep, on y reviendra, c'est que Danny Torrance, dans l'Overlook, va en gros reprendre la place de son père dans le livre Shining et mettre le feu à l'hôtel. Et donc brûler l'hôtel. Et finalement, à la fin de Dr. Sleep, on peut dire que la situation de l'Overlook a été remise à zéro. C'est-à-dire on en est au même stade, effectivement, dans le livre et dans le film, seulement 30 ans plus tard. C'était, selon Flanagan, un peu son cadeau à Stephen King, son cadeau de fan à Stephen King. Il assume totalement cette intention. Et donc on a tout un final, à cause de ça, donc on va y revenir, dans lequel on a une recréation de l'Overlook de Stanley Kubrick, et dans lequel Mike Flanagan rend hommage à l'Overlook de Stanley Kubrick. On ne donne pas nos avis. Pour le moment, je te vois rigoler, on y reviendra plus tard. Et c'est pas, alors c'est pas qu'à la fin qu'on voit de l'Overlook et des passages refaits. Ouais, on y reviendra aux hommages en général. Il y a des flashbacks tout au long du film. Ouais, mais là où c'est le plus mis en avant, c'est quand même sur le dernier acte. Mais comme après on va décrire nos avis, on va donner une chance à Mike Flanagan de s'exprimer. J'ai pris une petite citation sur son processus créatif. Docteur. Mike Flanagan prend le micro actuellement et va vous donner son avis. Un avis éclairé, sans doute. Non seulement j'ai pu entrer dans l'Overlook Hotel, tel que pensé par Kubrick, ce qui était un peu comme d'entrer dans mes souvenirs et redevenir un gosse, mais j'ai aussi pu utiliser un objectif, le même qu'il a utilisé, et le mettre aux mêmes endroits que lui, et puis analyser en profondeur son processus créatif. Je savais dès le départ que je n'étais pas Stanley Kubrick. Clin d'œil, clin d'œil. Je ne le serai jamais, ni moi, ni personne. Ça faisait moins de pression, je n'avais pas à faire semblant. Je n'essayais pas de penser les scènes comme lui l'aurait fait. À moins que nous ne voulions recréer un angle de caméra exact, que je voulais être une citation directe. Le reste du temps, je voulais juste lui rendre hommage. Et ça voulait dire que je devais me l'approprier. Voilà, notez tout ça dans un coin de votre esprit, on en reparlera en temps voulu. Allez, petit souci de définition de mots, ce garçon. Donc pour ce faire, il a dit dans une interview qu'il a essayé, quand il faisait une citation directe, d'enchaîner le plus possible sur un plan qui, lui, s'éloignait beaucoup de ce qu'avait fait Kubrick, afin d'atténuer l'effet de ressemblance et d'intégrer la citation à son propre montage. Donc cependant, il confesse aussi qu'à plusieurs moments, il envisageait de changer un plan par rapport à ce qu'avait fait Kubrick, de mettre la caméra un peu différemment et compagnie, mais qu'il se rendait compte que c'était pas possible parce que, encore une fois, je cite Mike Flanagan, il trouvait que Kubrick avait l'angle parfait, avait trouvé l'angle parfait, et que donc ça n'avait aucun sens de changer, que ça aurait forcément atténué la puissance du plan. Donc moi, c'est une vision des choses, je le dis tout de suite, qui me laisse très dubitatif, parce que la notion d'angle parfait me laisse assez sceptique. Voilà. C'est amusant d'ailleurs de noter qu'à peu près à la même époque, il y avait Ready Player One qui sortait, et qui lui aussi rend hommage à Shining dans une scène. Mm. Voilà. Mais on en reviendra qu'il ne fait pas exactement pareil. Non. Je trouve. J'ai vu la scène et non. Mais il fait quand même de la merde, hein, mais c'est pas bien. C'est pas au moins, c'est pas du copier-coller. Ouais. Voilà. Flanagan et son équipe ont hésité sur un autre point, c'est sur justement les personnages qui reviennent de Shining, donc Jack et Wendy Torrance, et Dick Halloran. Une option qui a été envisagée, c'est les effets spéciaux numériques avec des techniques de modification du visage ou de rajeunissement, pourquoi pas en faisant revenir Nicholson, mais Flanagan trouvait que la technologie n'était pas encore assez au point à l'époque et que ça aurait pas rendu crédible qu'on aurait été dans l'Uncanny Valley. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui. Personnellement, c'est une technologie que je trouve pas encore bien parfaitement au point aujourd'hui. Ça dépend. Tu vois, par exemple, je trouve que sur le Rogue One de Gareth Edwards, donc le Star Wars, ouais, je trouve que Tarkin est réussi. Là où je trouve qu'à la toute fin, quand on voit Leia en jeune, je trouve que là, il y a un effet en Uncanny Valley. Mais le Tarkin, lui, je trouve, est très très bien réussi. Ouais, c'est vrai qu'il est assez réussi. Mais bah, le film qu'il a énormément utilisé, c'est le Scorsese The Irishman. Et c'est pas fou, je trouve, dans The Irishman. Après, je pense que la Warner a quand même plus de budget pour mieux faire que Netflix, quoi. Ouais, dans l'idée, oui, mais bon. Même si on sait que Irishman, ça a été un gros budget pour Netflix, mais quand même. que sinon, le rajeunissement, il y a aussi dernièrement Disney qui l'a fait avec Samuel L. Jackson dans Miss Marvel, dans Captain Marvel, et c'est plutôt réussi. D'accord, je l'ai pas vu, Captain Marvel. Bah, dedans, t'as un Samuel L. Jackson rajeuni, puisque le film se passe dans les années 80, ouais. Non, 90, et vraiment, c'est réussi. D'accord, bon, bah, peut-être que ça commence à bien marcher en ayant le budget pour le faire. Oui, voilà, après, c'est surtout ça, c'est, je pense, une question de budget. Donc, finalement, Flanagan a préféré utiliser des acteurs et actrices qui reprennent les rôles en essayant de s'approcher des originaux. Et encore une fois, on va le citer, c'est la dernière fois qu'on lui donne la parole. On le remettra dans sa boîte après. La meilleure manière, la plus respectueuse et honnête, était de ne pas se livrer à des imitations. Il fallait trouver des acteurs qui rappellent ses performances iconiques sans sombrer dans la parodie. Je voulais quelqu'un qui joue Dick Halloran, pas quelqu'un qui joue Scatman Crothers. Alors, pour le coup, je peux comprendre. La manière de penser et la démarche, non seulement je la comprends, mais je suis même plutôt en sympathie avec ça. C'est voilà. Moi, je préfère qu'on prenne d'autres acteurs et actrices plutôt que d'utiliser des effets numériques, parce que en fait, je trouve ça un peu injuste. C'est surtout quand on prend des gros acteurs, même Samuel Jackson, c'est un excellent acteur que j'adore, hein. Mais c'est déjà un acteur qui a un gros poids, qui a pas de mal à trouver des rôles. Là, ça aurait peut-être été l'occasion de donner un rôle important à quelqu'un de plus jeune, de moins connu. Voilà. Puis, en fait, les nouveaux acteurs vont plus pouvoir lutter si on a la possibilité de rajeunir les anciens. Mais c'est juste que là, le souci, c'est qu'il dit lui-même qu'il veut que l'acteur reprenne la continuité du personnage et non pas le jeu d'acteur de l'acteur original, mais dans ce cas-là, pourquoi tu prends des mecs qui ressemblent, qui essayent de ressembler? Du coup, c'est, tu te contredis toi-même, en fait. Calme, on râlera sur ça en temps voulu. Ne t'en fais pas, je te laisserai rouspéter et j'en rajouterai aussi. On va parler maintenant de la musique des Newton Brothers. D'accord. Les sons des Newton Brothers. Voilà. T'appelles ça de la musique, toi? Alors, je rappelle un truc que j'ai déjà dit, de base je ne suis pas fan des musiques basées avant tout sur l'ambiance et le design sonore, je suis plus sensible aux travaux thématiques. Oui, avoir une mélodie... C'est ça. Mais en même temps, par rapport à ce débat-là, je vois pas tellement l'intérêt en fait de ne choisir de faire que du design sonore, dans la mesure où en fait, tu peux avoir des mélodies et un travail d'ambiance, tu peux avoir les deux, donc pourquoi se priver d'une arme? Mais admettons que c'est quelque chose que je ne comprends pas, et il y a des exceptions de toute façon à ça. C'est genre les musiques de Joseph Bichara pour James Wan, je les trouve souvent excellentes. Oui. Réécouter la BO d'Insidious, c'est un modèle en musique non thématique. Il y aura toujours son exception. Mais ici, en plus, je trouve ça vraiment nul à chier. Voilà, c'est lâché. Je trouve que c'est une c'est musique sorti. De merde. C'est sorti. Je trouve qu'il n'y a aucune évolution d'ambiance, en fait. C'est... On saute à n'importe quel moment de la BO, on a exactement le même type de son, ça sonne toujours pareil, il n'y a pas de montée ou de baisse d'intensité, et surtout il n'y a pas de différents climats, c'est-à-dire même dans les moments calmes, on va avoir une musique angoissante. Oui. Et le souci est double, c'est que déjà bah, dans les moments calmes, ça apparaît comme ridicule, parce qu'on n'a pas à avoir cette musique, on a l'impression que c'est essayer artificiellement de créer de la tension. Et dans les moments agités, bah, on a été tellement habitué à ce genre de son, que ça ne fonctionne plus, ça ne prend plus. Enfin, faut des contrastes dans une musique normalement pour que ça fonctionne. Parce que, il faut que tu expliques le son en question, donc c'est un battement de cœur qui revient souvent, notamment quand le Shining est utilisé. Ouais. Mais pour, moi je pense, hein, pour la majorité des êtres humains, entendre de manière forte un battement de cœur comme ça, c'est ultra stressant en fait, c'est plus stressant qu'autre chose. Donc pourquoi le mettre, c'est contre-emploi de le mettre dans des scènes censées être un minimum reposant en fait. Bah soit c'est stressant, soit il y a des gens que ça apaise au contraire, mais dans ce cas-là c'est un contre-emploi de le mettre dans les moments stressants quoi. Voilà, c'est du ça. Moins utilisé comme ça. Le problème c'est qu'en fait le problème c'est pas l'utilisation, c'est qu'il est utilisé à toutes les sauces. Ouais. Tout simplement. Puis même les sons autres que le battement de cœur, les utilisations des synthés, des violons, enfin c'est ultra banal et c'est toujours la même chose. Il n'y a vraiment rien, il n'y a aucune narration par la musique en fait. C'est de la mécanique musicale faite pour faire peur, mais le problème c'est que c'est de la mécanique musicale faite pour faire peur ultra facile. C'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est comme un jumpscare à la con dans un film d'horreur à la con quoi. Ouais, c'est ça. C'est la facilité tout le temps. Donc en interview, les compositeurs disent qu'ils ont utilisé des instruments assez atypiques pour symboliser le shining ou le nevret, notamment des harpes particulières et des instruments à cordes particuliers. Le souci, c'est que quand c'est noyé dans un mix qui, lui, est ultra banal et dans une utilisation qui est ultra banale, ben on les entend même pas, ces instruments particuliers, donc... Ouais, c'est cool, vous les avez utilisés, ça s'entend pas, donc je m'en fous. C'est la même chose que quand Zimmer décrit son processus créatif, au final, ça s'entend pas, donc... S'en bat les couilles. Tu commences à devenir violent, ici. Ouais, je vais essayer de m'apaiser un peu, après on reviendra à des trucs plus calmes. Et dernier reproche à la musique, il y a des citations donc, du thème emblématique de Shining, donc, qui est la variation par Wendy Carlos du thème du Songe de nuit de Saba tiré de la Symphonie fantastique de Berlioz. Et si vous voyez pas à quoi ça ressemble, bah, c'est la version Wendy Carlos sert de générique à cette émission, et la version de Berlioz sert de virgule avant la chronique sur les livres. Voilà. Donc ici, ça sonne très déplacé, parce que comme l'ensemble de la BO n'utilise déjà pas du tout les mêmes instrumentations et n'a pas du tout de thème, bah quand t'as une citation directe comme ça, ça sonne tout de suite opportuniste, je trouve. Donc pour moi, ça fait vraiment fan-film quand tu mets un truc comme ça. Mais bref, maintenant, comment a marché le film ? Le film sort le 8 novembre 2019 aux États-Unis. Il était sorti le 30 octobre en France et dans pas mal de pays. Youhou, on a de la chance. Ouais. Et il rapporte 31,5 millions sur le sol américain et 40,8 à l'international pour un budget de 45 millions, ce qui est pas foufou. Et en France, il a fait seulement 258 531 entrées, ce qui est pas foufou. Donc c'est des résultats décevants, malgré une réception critique plutôt bonne, comme on va le voir. Et il y a eu des analyses évidemment qui ont été faites sur pourquoi ça n'a pas mieux marché. Les arguments avancés, c'est la durée, évidemment. 2h30 quand même. Ouais. Pour la version cinéma. Pour la version cinéma. Et une surestimation de l'attrait que pouvait avoir le film pour le public jeune. Enfin, il y en a qui supposent que la Warner a surestimé l'attrait de Shining auprès du public jeune, parce qu'effectivement toute la communication du film a été faite autour du fait que c'est une suite au Shining de Kubrick, parce que basé à la communication sur Dr. Sleep, qui encore une fois n'est pas considéré comme un livre culte de King, bah effectivement ça aurait pas été bienvenu. C'est quand même un film à très gros budget, enfin 45 millions, c'est quand même un gros budget on va dire, bah le vendre uniquement sur le nom de King, je pense qu'en effet ça aurait pas été suffisant, et bah, visiblement c'était pas une bonne idée de le vendre sur le nom de Shining. Non, parce que clairement, je pense pas que Kubrick soit un cinéaste ultra connu de toutes les générations. Je pense que Kubrick est quand même un cinéaste très élitiste, en fait. Oui. Dans le milieu cinéphile, hein, c'est pas le. Je pense pas que ça soit un mec qui soit cité parmi les jeunes cinéphiles. En priorité. Ouais, parmi les jeunes cinéphiles, peut-être, s'ils sont cinéphiles, mais au moins, justement, Shining, c'est grand classique. Mais, effectivement, je pense qu'auprès du grand public, son nom va être connu, tout le monde va savoir quasiment que Kubrick a fait un Shining, mais tout le monde ne l'a pas vu. C'est aussi ça. Je pense que c'est plutôt ça, en fait. C'est un film très connu dans l'inconscient collectif, mais combien de gens l'ont réellement vu ? Bah, peut-être pas tant que ça, au final. Et puis même, je pense que vouloir attirer un public jeune pour du film d'horreur au cinéma, je pense qu'il faut plutôt faire du film d'horreur, plus dynamique, parce que Shining, en tant que tel, c'est pas un film ultra dynamique, déjà. Ouais. C'est pas ce qui cartonne en film d'horreur qui vise le public jeune actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. On adore tous les deux James Wan, clairement James Wan a plus de potentiel à attirer les jeunes dans son cinéma, parce que oui. C'est plus déjà du film, même si c'est du film d'horreur qui se veut aussi contemplatif et intelligent, ça reste quand même du film d'horreur qui est très montagne russe, avec vraiment des gros moments de flip, et c'est pour ce genre de choses que t'aimes aller t'enfermer dans une salle de cinéma. Ouais. Et après, surtout pour du film d'horreur. Et après, clairement, 2h30, ça commence à faire long, et il y a beaucoup de gens, et moi-même j'en fais partie, qui, à partir d'une certaine durée de film, tu commences à réfléchir à est-ce que t'as vraiment envie de t'enfermer dans une pièce pendant 2h30. Ce qui est normal, dès que t'as une occupation, une vie en dehors, bah forcément 2h30, 3h avec les bandes annonces et compagnie, le temps d'y aller, bon, bah tu réfléchis. Le temps de déplacement, tout ça, voilà, c'est une après-midi, quoi. Ouais. C'est une après-midi entière que tu fous la poubelle, surtout quand c'est pas forcément un réalisateur star ou reconnu qui fait que des chefs-d'œuvre. Voilà. Clairement, tu me dis le prochain James Wan il dure 2h30-3h, bah, j'y vais, parce que le mec a fait ses preuves. Ouais, bah, d'ailleurs, dans le genre réalisateur que j'aimerais voir sur The King, James Wan, voilà. C'est quand il veut. Hein. Max Flanagan, bah, son nom n'est pas plus connu que ça. Quoi. Ouais. En fait, je pense que le film aurait justement plus cartonné si ils auraient mis en avant la série Netflix, en fait, de Hunting, par le réalisateur de Hunting. Je pense que ça a été un peu fait, mais ça venait de sortir, hein, vraiment, The Hunting, à l'époque. Parce que c'est 2019, le... Hunting, il me semble que c'est 2018. Hein. Ouais, c'est ça, mais ça arrive l'un sur l'autre, donc... Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, clairement, je pense que la stratégie marketing était pas folle, mais après, qu'est-ce que tu veux faire d'autre comme stratégie marketing pour notre trip ? C'est la suite de Shining, quoi, au bout d'un moment... Donc voilà, disons que je m'explique que ça n'ait pas plus marché que ça. Ce que je m'explique moins, par contre, c'est que le film a actuellement 78% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui, dans les films qu'on a chroniqués, le place 5e à égalité avec Le Fléau. Ça fait mal. Et 3,6 étoiles sur Allociné, ce qui le place 3e de tout ce qu'on a vu pour le moment. Oui, mais Issam, notre classement est le plus important. Ouais, on va dire ça. Voilà. La réception critique américaine est soit bonne, soit mitigée. À ma connaissance, il n'a aucune note parfaite, mais pas mal de critiques le décrivent comme une œuvre réussie. Ce qui a été assez amusant quand j'ai regardé un peu les critiques, c'est que même dans les critiques positives, il y a des contradictions d'une critique à l'autre sur les retours donnés. Parce qu'il y en a certains qui vont trouver qu'il arrive bien à se dégager du film de Kubrick, et il y en a d'autres qui vont trouver au contraire qu'il ne sort jamais de son ombre, à cause des hommages en partie, et là pareil, il y en a qui les considèrent comme bien amenés, il y en a d'autres qui les considèrent comme sonnant forcé. L'écriture des personnages est globalement appréciée. Bon. Même si certains critiques tempèrent ça en évoquant un scénario plutôt bancal et avec des incohérences. La performance de Rebecca Ferguson est souvent appréciée, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et elle est nommée à plusieurs prix de la meilleure actrice secondaire dans un film, même si elle n'en a gagné aucun, je crois. Et après, c'est pas des prix majeurs, c'est les festivals dont on n'entend quasiment jamais parler, à moins de vraiment s'intéresser très spécifiquement à l'horreur. Et au festival. En France, on retrouve la même division de la critique, c'est peut-être même un peu plus négatif globalement en France, même si un des magazines qui adorait, c'est Mad Movies, et dans les critiques les plus négatives, on a Le Figaro, Positif et Télérama, ce qui me laisse un peu dubitatif quant à mon propre avis, parce que j'aime jamais trop penser comme Le Figaro. La sortie de la version longue poussera certaines critiques à réévaluer leur opinion, à l'instar de d'écran large, notamment. Moi, je vais le dire tout de suite, j'ai pas vu en fait les différences notables entre la version courte et la version longue. Ça rajoute des scènes de, entre guillemets, développement de personnages, mais qui n'apportent rien à rien. Mm-hmm. Et honnêtement, si j'avais pas vérifié sur une liste, j'aurais même pas vu quelles étaient les scènes supplémentaires, parce que voilà, je trouve qu'elles. Enfin, elles servent à rien en fait, mais comme beaucoup de trucs dans le film, pour moi, ne servent à rien. Ah, moi, si vous savez, j'ai vu que la version longue. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de le voir au cinéma à sa sortie. Et le film est un coup de cœur de Durandal sur YouTube, donc si vous voulez une critique très positive, bah allez regarder sa critique. J'ai hésité à la regarder hier et j'ai pas eu le temps. Je l'avais fait à l'époque, je l'ai pas refait en préparant, je l'avais fait à l'époque, bah je suis pas du tout d'accord, mais bon... Comme souvent. Voilà, mais bon, soyons de bonne guerre et orientons vers sa vidéo. C'est souvent qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais bon. Oui. D'après Mike Flanagan, les héritiers de Kubrick ont beaucoup apprécié le film. Ah oui, je me disais aussi, bon. Et King lui-même s'est largement exprimé à ce sujet, disant que ce film rachetait pour lui les erreurs du film de Kubrick. Et apparemment, la seule correction qu'il avait demandé à Flanagan en voyant le premier montage, c'est par rapport à la mort du petit joueur de baseball, qui était visiblement plus violente dans le premier montage. Et King trouvait que atténuer serait une bonne idée, et finalement rendrait peut-être ça encore plus marquant. Mmh. Et effectivement, c'est une des scènes potentiellement marquantes du film. C'est une des scènes les plus réussies du film, ouais. On va y revenir. Pour la suite, pour l'avenir, donc le projet de série sur l'Overlook, comme je l'ai dit, c'est un peu dans les limbes pour le moment. À une époque, Mike Flanagan évoquait la possibilité de faire une suite centrée sur Abra, mais il n'y a aucune nouvelle récente à ce sujet-là, donc je ne sais pas où ça en est. Il envisageait aussi un film sur Dick Halloran, c'est visiblement abandonné ça comme projet. Et personnellement, bah moi j'espère, on en débattait un peu tout à l'heure, que tout ça va tomber à l'eau, parce que j'ai vraiment pas envie d'un Shining Extended Universe. C'est... En fait, j'en peux plus des univers étendus. C'est, je veux qu'on me laisse imaginer des trucs. C'est, en fait, la série sur l'Overlook, moi, la question que je me pose, c'est même pas est-ce que ça va être réussi ou non, c'est que j'ai juste pas envie. C'est, je veux rien à branler de voir ça. Qu'on laisse chacun imaginer ce qu'il veut pour l'Overlook et qu'on nous impose pas un truc, même si c'est très réussi. Je pense qu'il faut juste s'arrêter avec les univers étendus, c'est quelque chose qui m'énerve. Et Flanagan a aussi voulu pendant un temps adapter Revival, mais le projet semble abandonné. Youpi. Mais t'inquiète pas, il va revenir avec d'autres projets. Ouais, c'est ça, mais qu'il revienne avec d'autres projets, mais dans longtemps. Tu veux qu'on lui demande, il est à côté de moi, je te rappelle. Et pour finir, avant de passer à nos avis, on va voir les différences majeures entre le livre et le film. Donc déjà, dans le film, Abra va réagir immédiatement à la mort du petit joueur de baseball, tandis que dans le livre, elle met un moment à se rendre compte que ce n'était pas un rêve. Elle pense que c'est un cauchemar. Ouais, elle pense que c'est un cauchemar au début. Dan va à la fusillade contre le Neuvray seulement avec Billy dans le film, tandis qu'il est aussi avec le père d'Abra et le médecin de famille dans le livre, et tout le monde survit dans la version livre. Tout ce qui concerne la rougeole et la grand-mère d'Abra est supprimé dans le film. Et tant mieux, c'est des bonnes décisions pour le coup. Ouais, le but c'était de rendre Danny plus actif dans la destruction du Neuvray, d'après Mike Flanagan. Et à la fin, donc, il y a toute cette fin à l'Overlook. Et Danny meurt dans le film alors qu'il survit dans le livre, de même que le père d'Abra. Tu m'entends ? On va parler à haute voix, d'accord ? Tu as réussi à me localiser ? Ça a été plus facile que je croyais. J'ai un GPS dans la tête. Écoute, je voudrais pas dire, mais... par les temps qui courent, un homme de mon âge assis sur un banc avec une petite fille... Je m'appelle Abra Stone, et on n'a qu'à dire que t'es mon oncle. Oncle Dan. En plus, c'est pas vraiment un mensonge. Enfin, pas complètement. T'es magicien, comme moi. Non, je suis pas magicien. J'ai toujours appelé ça le Shining, et c'est vrai qu'on l'a tous les deux. Tes parents sont au courant ? De mes pouvoirs ? Ils en parlent pas. Ou quand je m'en sers, ils me regardent autrement. Quand j'étais petit, je ne savais pas ce que c'était le Shining, alors je l'appelais Tony. C'était mon ami imaginaire. Moi aussi, j'ai cru que t'étais mon ami imaginaire. Pendant très longtemps. On est beaucoup dans le monde. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu de Shining sans en être conscients. Quand leur femme n'a pas le moral, ils arrivent comme par hasard avec des fleurs. D'autres réussissent à un examen sans l'avoir préparé. Mais je n'ai pas dû rencontrer plus de 3 personnes qui avaient ce don et le savaient. Bradley Trevor l'avait. Le petit joueur de baseball. Des gens... En tout cas, il ressemble à des gens, l'ont enlevé. Et ils l'ont mangé. Ils ont aspiré son Shining. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer, défoule-toi. Écoute, j'ai envie d'être clément. On va parler des choses qui sont bien dans ce film en premier. Donc l'interprète d'Abra, on l'a dit, elle est très très bien. On espère la revoir au cinéma dans des meilleurs films, du coup, maintenant. Et la photographie du film, qui est très réussie, et qui des fois apporte vraiment beaucoup, comme dans cette scène de la mort du joueur de baseball, du petit joueur de baseball, où il est ligoté au milieu d'une espèce de grand terrain vague, et où toutes les bagnoles sont orientées vers lui, et donc le film, tous les phares des bagnoles illuminent la scène, avec le Neuvray qui est au-dessus de lui en train de l'exécuter. La scène rend vraiment bien, elle est très jolie visuellement, et clairement, la photo apporte beaucoup au film, et bonifie la catastrophe, parce que là, on va rentrer dans le Neuvray, nous aussi. Dans les scènes bien photographiées aussi, il y a quand il déterre le petit joueur de baseball, oui. Avec à peu près le même effet, sauf qu'il y a moins de voitures, voilà. Donc c'est encore plus sombre. Et les scènes sur la plage où la vipère se fait... transformé en vampire. On y reviendra. Ouais. Et du coup, cette photographie permet d'améliorer la qualité catastrophique de la réalisation qui est mais d'un ennui et d'un plan-plan abyssal. C'est simple, il y a beaucoup de scènes où t'as l'impression d'être sur un téléfilm. C'est incroyable. Ouais, ouais. Alors en fait, je trouve que Mike Flanagan filme pas trop mal les moments horrifiques. Globalement, les scènes qui vont fonctionner ou potentiellement fonctionner, c'est celle où il y a de la tension horrifique, mais ouais, les dialogues banals, ordinaires, il est nul. C'est la première fois que Danny, enfin, Eo prenne un patient mourant, c'est du platitude, c'est terrifiant. Et les meilleures scènes qui fonctionnent aussi, c'est celles qui n'ont pas de musique. Oui, parce que voilà. Pour la mort du petit joueur de baseball, pour quand il le déterre, et pour une autre scène qui aurait pu être vraiment parfaite quand Rose va dans l'esprit Labra, ces trois scènes qui, visuellement, sont très bien, mais il y a ces battements de cœur de merde et la musique par-dessus qui, moi, me crispait tellement, tellement, je trouvais ça insupportable, bah, que ça m'a totalement sorti du truc et a empêché de les apprécier vraiment. Je te coupe, mais pour finir sur les bons points, moi, il n'y a qu'une scène qui, pour moi, fonctionne sans réserve, et c'est parce qu'elle est sans musique, c'est après qu'Abra se soit fait enlever par Crodaddy, quand elle est dans la voiture et que Danny, pour la sauver, va prendre le... En fait, va entrer dans son corps à sa... C'est dégueulasse, comme ça. Il va prendre sa place, en fait. Et dans cette scène-là, il n'y a pas de musique, la mise en scène est simple, mais elle fonctionne avec les ombres, et l'actrice joue super bien. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Et une autre scène là, qui me revient en tête, qui rend bien, c'est au tout début du film, l'enlèvement de la petite Violette. Quand elle parle avec Rose, donc t'as un plan où tu les vois, ensuite t'entends un petit bout de voix qui craque, la caméra qui se tourne et tu vois un membre d'une vraie. Ouais. Après, Rose rassure la gamine en lui disant que c'est juste un ami à elle. Donc la caméra se remet sur elle. T'entends un autre bruit, et là, paf, tu vois plein de membres d'une œuvre qui, tout d'un coup, sont apparus à la lisière de la forêt. Et je trouve que cette scène fonctionne bien. Ouais, moi, je la trouve un peu ridicule, tu vois. C'est... Enfin, encore une fois, parce que j'arrive pas à croire leur stratégie d'enlèvement. C'est... Pourquoi ils procèdent comme ça? C'est surtout la scène d'après, qui est ridicule, où t'as la mère affolée qui cherche sa fille partout, qui l'appelle, et qui voit très bien qu'il y a des voitures qui s'en vont. Mais oui. Arrête-les, qu'est-ce que tu fais? Ta gamine a disparu, tu cherches où elle est, mais il y a des gens qui s'en vont, qu'est-ce que tu fais? En plus, des caravanes, des trucs. Oui. Pas suspect, quoi, à part ça. Non, mais c'est ça aussi, je veux dire, c'est quand t'as un gamin d'enlever, je pense que la première cible des policiers américains, c'est comme celle des policiers français, c'est les Romain Michel. Non, mais au bout d'un moment, faut être honnête, faut compter sur le racisme de la police une fois de temps en temps. Putain. La police totalement absente dessus. Ils se font choper directement, en réalité. Voilà. Alors, maintenant, du coup, qu'est-ce qui fonctionne pas? Tout. Alors tout, le rythme est encore plus catastrophique que dans le film, hein, que dans le roman. C'est-à-dire que vraiment, les ellipses, elles fonctionnent encore moins bien. Il y a des moments, tu comprends pas, parce que tu vois Danny, il est avec le train, tu sais, il bosse avec Billy, son pote, là, et après, tu le vois en tant qu'infirmier, et tu comprends pas, tu fais, mais à quel moment il est devenu infirmier? À aucun moment dans le film, vraiment, on te montre qu'il devient infirmier. Ouais, t'as juste son entretien avec le docteur dans son bureau, là. Qui est pour moi la seule citation de Shining qui fonctionne, parce que la manière dont c'est filmé, ça reprend les plans de l'entretien d'embauche de Jack dans oui. Shining. Et là, c'est cohérent, parce que dans les deux cas, c'est un point tournant de leur vie à tous les deux. Et là où c'est intéressant, c'est que ça se passe pas dans le même décor déjà, donc la citation est moins. Enfin, te saute moins à la gueule. Elle est moins putassière. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est des situations inversées, parce que dans le cas de Danny, c'est ce qui va lui permettre de s'en sortir, tandis que dans le cas de Jack, bah, c'est ce qui va le faire sombrer. C'est ça. Donc là, c'est intéressant, mais c'est le seul moment où ça l'est pour moi. On en a reparlé tout à l'heure, quand on évoquait le roman, la scène avec la jeune fille avec laquelle il a couché et son gamin. Bah, en fait, à un moment, il a un flashback de eux deux morts. Et pourquoi, en fait? Parce qu'à aucun moment, on ne voit le gamin, parce que dans le roman, il y a de la culpabilité parce qu'il empêche le gamin d'aller vers la cocaïne. Parce que le gamin voit la cocaïne et donc on se dit, potentiellement, il peut mourir à cause de ça, parce qu'il va retourner une fois que Danny sera parti. Il n'y a pas cette séquence-là, en fait, dans le film. Ah, après, tu peux te dire que dans le film, il sait pas si la mère va se réveiller, donc on sent de la culpabilité à l'idée de laisser un gamin potentiellement avec une mère morte. Ou visiblement pas en capacité de s'en occuper même quand elle est vivante. Ouais. Ouais, moi ça me... C'est comme ça que je l'ai interprété, personnellement. Ouais, mais c'est facile. Enfin... En fait, le souci, c'est pas tant que ça arrive une fois, c'est le fait que ça arrive qu'une fois, alors que dans le livre, c'est quelque chose qui, effectivement, le suit quand même beaucoup. Et il aurait fallu que ce souvenir revienne dans le film et ne revienne pas forcément sous la forme de gros monstres moches, en effet. Et voilà. Et qu'en plus, l'image de synthèse du gamin mort à ce moment-là est horrible. Ouais. Mais bon, ça après, voilà. Que dire d'autre Dernier point positif, il y a un plan que j'aime beaucoup, qui ne sert à rien, c'est quand il... Qui ne sert à rien, mais qui est cool. C'est quand il arrive dans la ville où il va s'installer, et qu'en fait t'as un plan en trompe-l'œil qui commence sur une miniature de la ville. Ah oui. Mais comme la miniature est placée au premier plan, t'as l'impression que c'est du vrai décor, et après la caméra se déplace et tu te rends compte que c'est juste une miniature avec Danny qui descend du bus. Bah, c'est Tiny Town. Ça c'est rigolo. C'est Tiny Town avec le train autour. Ouais, c'est ça. Là où il rencontre Billy. Là où il rencontre Billy. Qui ressemble à Eric Cantona, je trouve. Ah bon ? J'ai trouvé qu'il y avait un truc d'Eric Cantona, mais c'est peut-être juste la barbe, et comme je suis pas physionomiste. Ah oui, effectivement, ben, je l'avais pas vu comme ça. On peut parler des quelques scènes qui, visuellement, ont des trucs intéressants, comme ça, pareil, ce sera fait. La scène, donc il y a la scène où elle entre dans l'esprit, Rose va chercher à retrouver Abra, et donc va parcourir la planète, déjà pour la retrouver, donc il y a un assez joli plan de Rose qui tourne autour du monde. Ça c'est très joli. Ça c'est joli. Et après elle va foncer là où est Abra, donc on va voir la terre, la maison se rapprocher de plus en plus, et finir dans une reproduction mentale de la chambre d'Abra, qui en gros c'est le palais mental dans Sherlock. Il y a plein de tiroirs dans lesquels elle peut fouiller pour essayer de fouiller l'esprit d'Abra. Et là pareil ça fonctionne parce qu'on se rend compte que c'est un piège que Abra lui a tendu. Et là, elle est réellement inquiétante, Abra, aussi, parce qu'on la voit du point de vue de Rose, et on sent qu'il y a une envie de détruire de la part d'Abra et de lutter contre cet ennemi. Et puis, oui, elle a un design, elle a pas de visage. Elle a juste une bouche, elle a pas d'yeux, ouais. Ouais, elle a la bouche, ouais. Ouais, elle a la bouche, ouais. Elle a la bouche, oui, elle a pas ni d'yeux, ni nez. Elle a un sourire assez malsain. Elle a une espèce de perruque de cheveux bleu qui tend un peu sur le violet. Elle a un design très monstrueux en fait, et si la scène était mieux faite, c'est-à-dire si elle avait pas un accompagnement musical tout pourri, on pourrait vraiment avoir de l'inquiétude pour Rose, parce que du coup Rose est vraiment passe vraiment pour la victime dans la scène. Ouais. Ça passe mieux d'ailleurs dans le roman, ce passage-là, on sent qu'elle est un peu plus en danger. Le passage gore sur la main déchiquetée est plutôt bien réussi aussi. Ouais, il réussit bien les trucs avec les mains, Mike Flanagan. Visiblement, c'est qu'il a une phobie des blessures à la main. C'est vrai ? Ouais. Et donc après, on voit que Abra rentre dans le palais mental de Rose et se met à farfouiller partout. Et je trouve l'effet aussi bien réussi quand Rose est expédiée, enfin l'enveloppe du coup spirituelle de Rose est expédiée. Et au moment où elle réintègre son corps, paf, son corps est expédié à l'autre bout du campement. Je trouve que c'est très très réussi visuellement comme effet. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, et puis même, c'est un petit truc, mais par rapport aux cheveux d'Abra, je trouve ça intelligent du fait qu'elle reprenne en fait l'apparence d'une de ses héroïnes de jeu, parce qu'en fait on remarque dans sa chambre une figurine qui a la même coiffure à un moment, et c'est un peu comme si pour se donner du courage elle prenait l'aspect d'une de ses héroïnes. Et ça, je trouve ça bien vu. Un moment où la caméra est insistante sur cette petite figurine, ouais. Ça fait partie des scènes qui sont réussies. Ben là, globalement, on a évoqué toutes les scènes qui sont réussies. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Après, les défauts de construction du roman, ils vont se retrouver tels quels dans le film. Donc, le fait qu'on passe trop rapidement de Dan au fond du trou à Dan complètement remis. Le fait qu'avant que la lutte contre le nœud vrai ne commence vraiment, il y a une éternité qui passe et qu'on se fait chier. C'est long. Hein. C'est très très long. Parce que là, les enjeux arrivent au bout d'une heure trente de film, quoi. Ouais, c'est très long. C'est vraiment interminable. C'est-à-dire 1h30 de film, en jeu, le climax dure 30 minutes, parce qu'après, dès les 2 heures de film, on est quasiment à l'overlook, quoi. Et c'est le final est vraiment très long, ouais. Le final dure 1 heure, c'est interminable. Enfin, dans la version longue, du coup. Le final a très peu été changé entre les deux versions. Donc c'est interminable, quoi. Comment tu peux laisser passer ça ? Et les incohérences concernant le nœud vrai. Bon, alors il y a la maladie infantile qui est supprimée, c'est déjà pas mal, mais sinon, en fait, elles sont là, on comprend toujours pas pourquoi c'est des mendiants. Oui, on comprend, et puis ils paraissent encore plus faibles au final que dans le roman. Ah oui, parce que là, les mecs se font abattre en se faisant tirer des balles, ils se prennent une balle dans le vide et c'est moins faible, quoi. Pour le coup, il y a aussi dans le roman la fusillade, mais, ouais, mais... Ça sonne moins faible, ouais. Voilà, il sonne encore plus ridicule, quoi. Ah si, truc un peu mieux réussi dans le roman, ce que le Nevray appelle cyclé, c'est-à-dire quand ils sont malades, en fait... On les voit normalement, tout d'un coup leur corps devient transparent. Visuellement, ça sonne un peu ridicule comme c'est décrit dans le roman. Dans le roman, ça fait un peu penser à la transformation de l'homme invisible dans le film de Verhoeven. Tu sais, où t'as la peau qui disparaît, puis après tu vois seulement l'intérieur de l'organisme. Ça fait un peu ça, dans le descriptif du roman. Et dans le film, je trouve que ça a une meilleure gueule, c'est mieux rendu. Oui, c'est pas mal fait. C'est beaucoup mieux rendu, et c'est pareil, l'effet de mort où le corps en fait s'évapore totalement avec un nuage de fumée, la fumée qu'ils ont incorporée tout au long de leur vie sans doute, ce qui s'envole. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, ça donne des séquences de mort un peu plus intéressantes. Ouais, ouais, ça marche pas mal effectivement. Surtout avec le passage où le grand-père, le patriarche du groupe meurt, et où t'as, juste après sa mort, tout le monde qui se précipite sur la fumée pour l'avaler. Mmh. Tu sens le côté prédateur d'une vraie, c'est le seul moment où ça fonctionne du coup. Et tu sens le vrai côté prédateur des membres d'une vraie. Bah, le truc, j'ai l'impression que dans le film, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux que dans le roman. Ils sont quoi, une dizaine à tout casser dans le film. Et bah, ils vont tous se faire tuer, sauf deux, lors de la fusillade en forêt. Tandis que dans le roman, vu qu'il y a cette histoire de maladie, il y en a pas mal qui restent après et qui vont être éliminés dans un second temps. Bah, et puis c'est un peu ça le problème, en fait. La fusillade, la scène n'est pas mauvaise en soi, mais voir des êtres millénaires surpuissants se faire tuer dans le bois de Vincennes avec un fusil, ouais, c'est un peu décevant, quoi. Bah, et puis surtout, ils sont une dizaine dans le film, t'en as que deux qui ont des vrais dialogues, et trois qui ont trois phrases par-ci par-là, quoi. C'est ça. Donc bon, niveau attachement de personnage, voilà, quoi. Même Andy la vipère, on l'a beaucoup vu au début, il y a le même problème que dans le roman, mais après, elle devient totalement secondaire. T'as carrément même le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, le chinois, c'est son nom plus le chinois, son pseudonyme, et lui, dans le roman, il a des phrases, et là, il est que dalle, quoi. Oui, c'est vraiment réduit au minimum la présence du vrai. Bah, s'il y en a une, carrément, c'est l'amulette, comme ça, on s'en marre pas. Ouais. Voilà, au moins, c'est fait. Voilà, merci beaucoup, au revoir. C'est encore plus décevant, en fait. Ils sont encore plus ridicules dans le film que dans le roman. Et puis, je trouve que Rebecca Ferguson, elle joue pas mal en soi. C'est pas une mauvaise actrice, ça, je confirme. Mais comme son personnage, sa seule caractéristique, c'est plus ou moins « à grou-grou, je suis méchante », au final, elle défend rien de monumental. Moi, elle m'inquiète jamais vraiment, et elle me fascine jamais vraiment. Je trouve pas ça extraordinaire. Et en fait, il y a une scène, moi, qui m'a fait tilter. Et je sais plus si c'est la même dans le roman. Il y a le moment où Abra confronte Rose pour la toute première fois, quand Rose fait des courses. Ouais. Est-ce que c'est dans le même emplacement qu'elle la confronte aussi dans le roman ? Oui. C'est pendant des courses. Et j'avais pas tilté dans le roman, mais donc, en voyant le film, je me suis dit, ah mais d'accord, en fait, il faut quand même qu'il mange, du coup. Parce qu'elle fait des courses, il y a de l'alimentaire dans le caddie. Et je me dis, ah ouais, en fait, il faut quand même qu'il mange. Ils sont vraiment tout pourris, en fait. Ouais, c'est vrai que ça a pas l'air facile. Parce que je me dis, tu peux faire des courses, mais genre, t'achètes juste de l'ustensile de ménage, et voilà. Mais il y a de la bouffe dans le caddie, et du coup, je me dis, mais what, en fait, il leur suffit même pas de la vapeur, il faut aussi qu'ils bouffent comme des êtres humains normaux, sinon ils crèvent aussi. En fait, c'est vraiment nul. C'est vraiment des vampires de Pacotille, quoi, parce qu'au moins, les vampires, ils ont pas besoin de manger, ils ont juste besoin de sucer du sang, parce que dans la majorité des mythes vampiriques, manger, ça les fait dégueuler, parce qu'ils aiment pas ça. Oui. Là, tu dis vraiment, ils ont rien pour eux, quoi, les pauvres, en fait. C'est vraiment de la merde. Ça donne une des plus belles scènes de Morse, d'ailleurs. Oui. La Morse, excellent film sur la mythe vampirique. Ouais. Par contre, le film rajoute des incohérences qui ne sont pas dans le roman, je trouve, à cause des modifications que ça fait. La première, c'est autour du personnage de Dick Halloran. Comment fonctionne ce personnage dans le film ? Parce que Dick, dans Shining, le livre comme le film original, il a le Shining, mais il est pas très fort. Enfin, il n'a jamais été très fort. Et ce qu'il va connaître sur ses pouvoirs, c'est des trucs qu'il a appris, au cours de sa vie. C'est un savoir très pratique que sa grand-mère lui a un peu donné, parce qu'il y a sa grand-mère qui avait le même pouvoir. Mais c'est pas un spécialiste. Tandis que là, dans Dr. Sleep, il y a une scène à un moment où il vient voir Danny, alors qu'il est mort depuis une éternité déjà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fout encore là. Il parle d'une vraie. Et il lui parle d'une vraie, mais comment il connaît ça ? C'est à moins que depuis qu'il est mort, il se soit emmerdé et qu'il ait fait des recherches parce qu'il avait que ça pour s'occuper, c'est possible. Mais pourquoi ? Tu peux dire que malgré qu'il soit mort, il apparaît en tant que fantôme parce qu'il a été en contact avec l'Overlook. Ouais, tu peux te dire ça, admettons. Même s'il n'y a pas d'explicatif, donc du coup, c'est moi qui donne une explication comme ça dans le vent, mais ça pourrait être crédible. Après, oui, normalement, lui-même dit que c'est pas un professionnel, d'où il connaît le Nevray. Parce que s'il connaissait le Nevray quand Danny était enfant, c'était peut-être un truc dont il fallait lui parler, gamin. Voilà, c'est ça. voilà, ça fonctionne pas, du coup. Enfin, c'est totalement incohérent. En autre incohérence, il y a le fait que la confrontation finale contre Rose, qui va se passer à l'hôtel, je ne comprends pas pourquoi Abra et Dan vont directement l'affronter physiquement, donc en courant le risque, et on va voir que ça se réalise, de prendre des blessures physiques, alors qu'on a vu dans le film que Abra met la misère à Rose en combat psychique, et que Rose ne peut rien faire en fait. Abra peut entrer dans son esprit sans lui laisser le choix, donc combattez comme ça. C'est beaucoup plus simple. Non, et puis surtout, pourquoi vouloir faire ça à l'Overlook alors? On pourrait croire que c'est pour que Danny relâche les fantômes de l'Overlook, mais on sait que les fantômes de l'Overlook, en fait, ils ont suivi Danny. Oui, ils sont dans sa tête. Donc, en fait, tu peux les utiliser à n'importe quel moment. Et surtout, c'est quoi le but de lancer une menace mystique ultra puissante sur quelqu'un si tu sais pertinemment que cette menace va se retourner sur toi, ce qu'elle fait? Voilà. C'est un véritable coup de poker, surtout que rien n'est dit que les fantômes, quand tu les relâches, ils vont attaquer Rose en premier, peut-être que c'est sur ta gueule qu'ils vont sauter. Ça aurait même été plus cohérent, étant donné vu que c'est Danny qui les a enfermés pendant une éternité. Ah oui, ça n'a ni queue ni tête, quoi, mais vraiment, tout le final n'a aucun sens. D'ailleurs, l'ajout de la mort du père d'Abra, pareil, ça marche pas parce que... Personne, on n'a rien à foutre. Même Abra, elle en a rien à péter que son père soit mort. Ça, c'est ridicule, ce passage-là. Le passage où la mère l'appelle en larmes parce que son mari vient de décéder et sa fille a disparu, et Abra, elle répond juste « Maman, je vais bien, je t'aime », et elle raccroche. Et là, tu fais « Mais quoi ?» Ah ouais, papa, c'est le mec qui traînait à la maison de temps en temps, là, c'est ça. Mais et ça n'a ni queue ni tête, oh là là là. Alors que le personnage t'est montré comme un minimum humain, en plus. Il n'y a aucune raison qu'elle réagisse comme ça. Bah oui, elle est même... Enfin, c'est une gamine qui vient de perdre son père, ça doit la choquer, normalement. Bah, oui. Surtout qu'en plus, à la fin, t'as une scène, d'ailleurs plutôt jolie, où elle lui dit que... où elle rassure sa mère en disant qu'il y a une vie après la mort, et que papa est là, et que papa est quand même... elle lui dit qu'il va bien, bon, il est mort, mais il va bien quand même. Oui. Tu dis oui, enfin bon... Aussi bien que possible, on va dire. Voilà, c'est ça. Disons, peut-être que tu sens un petit peu le christianisme latent de Mike Flanagan dans ce cas-là. C'est possible, je sais pas où il en est par rapport à la religion, Flanagan. Bah, je sais pas, mais vu que ça, c'est pas évoqué vraiment dans le roman, en fait. Ouais. Le fait que la vie après la mort et tout et tout. En même temps, vu que les personnages importants ne meurent pas dans le roman, voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit évoqué. Voilà. L'homme prend un verre, le verre prend un verre, et le verre prend l'homme. C'est ça, hein, papa? Un remède? Ce n'est qu'un remède. Le remède universel. L'esprit est comme un tableau noir. Et ça efface tout. L'homme s'arme de courage. Il fait tout pour assurer. Mais il est cerné par des bouches. Il a une famille, une femme, un gosse. Des bouches insatiables, chronophages. Elles lui bouffent son temps. Il y a de quoi rendre un homme malade. Et ça, c'est le remède. Alors, bonhomme, tu vas l'avaler, ton remède. Tu veux pas? En voyant le film, je me disais, mais Danny, en fait, c'est vraiment un enfoiré, parce que il utilise un petit peu ses pouvoirs de persuasion pour rassurer les vieux qui vont clamser, pour qu'ils clament sans paix. Tu fais, mais... Ouais, à la limite, on peut dire qu'il y a une forme de bonne intention là-dedans. Ouais. C'est... Ah, autant mourir apaisé. Oui, voilà, mais bon. Il n'y a pas la volonté d'essayer de le rassurer avec tes propres mots. C'est genre, oui. Oh, t'inquiète pas, pouvoir, bon, allez hop. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, effectivement. Tu vois, et je trouve que ça fait moins humain, en fait. Enfin, ouais. C'est tout. C'est juste après, c'est peut-être juste pour ce que c'est mal filmé. Hein, ça. Peut-être que dans le lien psychique, en fait, peut-être que tu lui fais passer ses mots par l'esprit et que ça marche Enfin, que ça pourrait marcher si c'était mieux fait. Oui. Par contre, le chat qu'ils ont choisi pour jouer. Donc, le chat qui va au pied des morts est très joli. Je tiens à le préciser. Oui. C'est un très beau chat. C'était la parenthèse chat. Oui, non, mais il faut la faire, il faut souligner les chats. Il n'y a pas de chien dans ce film. Non, c'est une très bonne chose. Ah là là là. Parce que quand on met un chien dans un film, ça donne coup de joie, vous voyez bien. Ouais, mais ça donne un bon film. Oui, voilà. C'est pas faux ça. Voilà. On va passer, on va arriver doucement vers le gros problème qui est le final, mais même avant ça, je trouve qu'il y a des références à Shining qui ne fonctionnent pas. Notamment le truc qui m'a énervé à partir du moment où je m'en suis rendu compte, si ça avait été fait qu'une fois, ça aurait peut-être pu passer, mais dès que t'as une voiture qui se déplace, elle est filmée exactement comme dans l'introduction de Shining, c'est-à-dire avec une méga plongée, ouais. On est à la limite du plan zénithal. Et il y a d'autres manières de filmer une voiture, c'est-à-dire dans Shining, ça marche encore une fois parce que c'est une menace, parce qu'à ce moment-là, t'as la musique de Wendy Carlos, et parce que tu les vois sur des routes de plus en plus isolées, de plus en plus tordues, qui se dirigent vers un endroit où ils seront seuls, et où ils seront à la merci de ce qui va leur arriver. Donc ça marche. Ils arrivent vers leur fin. Quoi. Mais il y a d'autres manières de filmer une voiture, quand c'est juste une voiture qui roule. C'est où il faut arrêter d'imiter tout le temps. Et puis même s'il y a des enjeux, le faire une fois, ok, mais le faire systématiquement, stop, quoi. Et là, du coup, on en vient au fameux passage hommage-imitation. Parce que c'est pareil, les passages où on revoit Danny enfant sur son vélo qui oui. parcourt les couloirs de l'Overlook, qui sont filmés exactement comme dans Shining, mais exactement. Ouais, ça c'est pas un hommage, ça c'est de l'imitation. Il faut au bout d'un moment il faut dire les mots, il faut arrêter de dire c'est de l'hommage. Quand tu fais exactement la même chose, c'est de l'imitation, ce n'est pas de l'hommage. Ouais. Si on voulait être vraiment méchant, on dirait du plagiat. Mais vraiment, je pense pas que ça soit le but caché de Flanagan. Je pense vraiment qu'il est de bonne volonté. Je pense, mais c'est un fanboy de bonne volonté. Ça voilà. Marche pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas du plagiat. Mais c'est vraiment pas loin, quoi. Et là, ce qu'il dit sur le fait qu'il voulait changer les plans, enfin que quand il mettait un plan repris à l'identique, il voulait changer tout de suite après, mettre un plan que Kubrick n'avait pas mis. Ça, c'est vrai. C'est un j'ai vérifié. C'est vrai à plusieurs moments. Même s'il y a quand même des scènes qui sont reprises pendant longtemps à l'identique. Le souci, c'est que ça a fait le même effet qu'un autre film qui faisait beaucoup ça il y a quelques années, c'est le film Ghost in the Shell, qui reprenait plusieurs plans à l'identique des films de Mamoru Oshii. Donc l'adaptation avec Scarlett Johansson. C'est ça. Effectivement, au milieu de quelque chose qui est original. Le souci, c'est que quand tu connais Shining, ou quand tu connais les films Ghost in the Shell d'origine, quand t'as un hommage qui recrée exactement un plan, ça te saute à la gueule, et moi, ça me sort du truc, en fait. C'est ça. Parce que finalement, en fait, ça renvoie le film à sa condition de film, vu que ça cite un autre film en reprenant un plan. Pour moi, ça rompt la suspension consentie de l'incrédulité quand on fait ça, parce que ça t'avoue le film comme n'étant qu'un média. Pour moi, c'est totalement inefficace de faire ça. En plus, ouais, d'être total manque d'imagination. Bah oui, c'est ça. Parce que dans les fameux plans différents, mais en reprenant la scène à l'identique, c'est par exemple l'ouverture de l'ascenseur avec la marée de sang qui dégueule de l'ascenseur. Oui. Ça, on l'a dans leur slip sous un angle de caméra différent, parce que là, on est un peu plus sur le côté. Oui. C'est le moment où Rose passe devant l'ascenseur et où elle s'en tape complètement le coquillard, d'ailleurs. C'est juste que, en fait, cette séquence-là, je comprends pas pourquoi elle est là, vu qu'effectivement, elle n'a aucune conséquence. En plus, elle est coincée entre deux fondus enchaînés, t'as l'impression qu'ils avaient pas où la foutre dans son montage. C'est exactement ça. Donc, en fait, quitte à vouloir faire un hommage comme ça à Shining, fait quelque chose de différent. Mais en reprenant des trucs de Shining, mais différents, merde. Par exemple, au moment où tu libères les fantômes, à la limite, laisse les fantômes s'en aller, et refais vagabonder tes personnages en faisant des nouvelles interventions des fantômes. Genre, tu refais apparaître les jumelles, mais dans un lieu différent qu'on les a vus dans Shining. Ouais. Voilà. Là, c'est mettre ta réalisation pour rendre hommage à Shining. C'est ça, en fait, la différence. C'est comme on disait en off, quand, pour les exemples que moi j'ai cités, quand Tarantino fait du Shambara dans Kill Bill, il fait du Shambara avec sa réalisation à lui. Il reprend pas des plans déjà existants. Ou quand il reprend des plans existants dans d'autres de ses films, il les modifie et il y apporte sa patte à lui. Ah, c'est ça la force d'un Tarantino qui, pour moi, dans cet exercice-là, est clairement un des meilleurs. c'est que il est très bon pour se réapproprier ce qu'il reprend. Parce qu'il n'y a pas plus cinéma référentiel que le cinéma de Tarantino. Oui, et puis je t'évoquais le cas de Podaïdes qui, dans tous ses films, reproduit une case de Tintin, oui. Sauf que comme c'est super discret, en fait c'est un easter egg pour ceux qui le savent et voilà. Qui connaissent bien Tintin, on c'est le cherche, c'est rigolo. Mais, et puis même si tu le vois pas, ça ne dérange pas. Tandis que là, finalement, il y a des scènes aussi qui, je trouve, reposent trop sur leur parenté avec Channing. Je pense notamment à la scène où Danny est au bar de l'Overlook et où le barman, qui est en fait Jack Torrance, va lui servir un verre. C'est une reprise quasiment telle quelle d'une scène similaire dans Shining. La seule différence, c'est que dans Shining, Jack va boire, tandis que dans Doctor Sleep, Danny refuse le verre. Et ça enchaîne aussi sur la scène dans les toilettes, qui elle aussi est reprise strictement au plan identique à Shining. Et comme là, en plus, la réalisation de Kubrick est très particulière, avec des sautes d'axe et compagnie, ça marque. Le souci, c'est que là, toute l'attention dans la scène dans le film de Flanagan repose sur le fait qu'on sait que Jack, lui, a cédé. Mais quelqu'un qui a pas vu Shining, du coup, quelle tension il a ? Et voilà, zéro. C'est trop se reposer sur l'original à ce stade-là. Et puis, le fantôme est très particulier parce que c'est Jack, on sait que c'est Jack, ouais. Mais le fantôme dit que c'est pas Jack, que c'est juste le barman. Mais je comprends pas. En fait, je vois pas pourquoi. Parce que si c'est Jack, les fantômes de l'Overlook, on le voit, ils gardent leur personnalité en fait, parce que c'est des fantômes. Oui. Donc Jack devrait rester Jack. Après, ça c'est assez flou en fait. Pour le coup, dans le film de Kubrick, c'est assez flou la personnalité des fantômes. Donc c'est peut-être que Jack a été tellement intériorisé par l'hôtel qu'il a oublié qu'il était Jack, mais ça fait. À la limite, qu'il y ait cette ambiguïté qui plane, ça m'a pas trop dérangé. Après, c'est flou, oui et non, parce que t'as la cliente zombie là, qui est morte dans sa chambre, elle apparaît la première fois dans sa chambre. Ouais. T'as l'ancien majordome, il est en tenue de majordome et ça a l'air d'être un majordome avec ses gamines qui l'auraient assassiné. Dans le film de Kubrick, Jack, il n'y a aucun moment des barman. Donc pourquoi t'as non, mais il est alcoolique, barman, voilà. Admettons. C'est très particulier, quoi. Ça aurait été plus logique de le voir déambuler dans les couloirs avec une hache, en fait. Oui. Ça aurait été plus logique. Oui. Voilà. Mais bon, comme ça, ouais. Mais si en plus c'est dans le livre, ça, donc ça aurait pu être là. Alors il y a aussi le côté ridicule du fait que l'acteur ne ressemble pas. Au final, si c'est pour faire ça. Et puis c'est peut-être un bon acteur. C'est lui qui jouait le père de Jesse, du coup, mais comme c'était un petit rôle, on se rendait moyennement compte. C'est peut-être un bon acteur, mais Nicholson, c'est un méga cabot qui arrive toujours à être bon, à être crédible, mais en étant à la frontière du ridicule. Et donc reprendre Nicholson, en fait, c'est un numéro d'équilibriste beaucoup trop risqué. Pour moi, je comprends même pas qu'en tant que réalisateur, tu demandes ça à ton acteur. Alors visiblement c'est pas ce qu'a demandé Flanagan, mais pour moi le résultat est là, c'est un mec qui essaie d'imiter Nicholson et qui y arrive pas, mais je peux pas lui en vouloir de pas y arriver. En fait à un moment, il y a un plan, tu sais au début tu vois juste les mains du barman, ouais. Et après tu le vois sur le côté, et après tu le vois de face, et ainsi de suite. Et en fait il y a juste un moment très rapide où tu le vois de face mais un petit peu sur le côté, mais genre très rapide où il est menaçant et où il dit, ouais. Là et c'est le passage où il dit à Dan, prends ton médicament. Et ça dure une fraction de seconde, en fait, c'est juste ce plan-là qui aurait dû être gardé. Tu veux juste le montrer de face sur ce moment-là, sur une microseconde, et paf, et comme ça, t'as un petit peu l'illusion de la ressemblance, et on passe à autre chose. Ou alors, ne jamais le montrer, et à la limite, prendre quelqu'un qui a une voix qui ressemble, ou un imitateur qui aurait repris la voix de Nicholson, et juste garder les mains, et ça aurait mieux fonctionné, je pense. Ouais, ou alors vraiment assumer soit ça, effectivement, soit le masquer, soit assumer totalement que tu peux pas reprendre Nicholson et ne pas chercher la ressemblance. C'est-à-dire, quitte à ne pas avoir de ressemblance, là le souci c'est l'Uncanny Valley en fait. Si ça avait été quelqu'un de vraiment différent, on serait dit bon ok, c'est un autre acteur qui joue Jack, pas de souci avec ça. Mais quand on cherche à installer la ressemblance, ça devient gênant. C'est ça. Ou alors, et là on va venir au point qui peut fâcher, ou alors tout simplement faire le film en adaptant le roman et en disant que le Shining de Kubrick n'a jamais existé. Parce que c'est bien beau de dire que c'est bien beau de dire en interview on peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé, et en même temps dire que King n'aime pas le film de Kubrick. Dans ce cas-là, en fait, les gars, il y a eu un téléfilm que apparemment King apprécie. Donc pourquoi vous semblez l'oublier ? Je sais pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai bien une réponse, mais bon. Ah oui, mais à l'époque, le téléfilm a été bien vu par King. Oui. Voilà. Oui. Et il me semble que encore aujourd'hui, tu lui poses la question, il l'apprécierait. Ah oui, mais je pense que c'est une histoire d'inconscient collectif. C'est le téléfilm, tout le monde s'en fout. Mais donc, dans ce cas-là... Tu dis adaptation de Shining, il n'y a personne qui va citer le téléfilm. Ah oui, clairement. Mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça rend la démarche un peu faux cul, quoi. Bah, faux cul, et personnellement, je trouve ça... C'est visiblement pas l'intention de Mike Flanagan, mais comme je te le disais aussi en MP, je trouve ça mesquin comme final. Parce que ça va utiliser l'esthétique de Kubrick, citer littéralement Kubrick, mais pour l'effacer au final, vu que ça rétablit à travers le personnage de Dan la fin originale du Shining de Stephen King, en faisant faire à Dan ce que normalement fait Jack Torrance, et Abra fait plus ou moins ce que fait Danny gamin normalement. Oui, parce que du coup, dans le film de Flanagan, Danny meurt à la fin. Et il meurt de la même manière que meurt son père dans le roman original. À l'exception près que lui, il n'est pas projeté à travers les murs de l'hôtel après l'explosion, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Lui, il meurt juste brûlé vif, quoi. Et je trouve ça assez malhonnête, et surtout, bah, ça finit par trahir un peu le message de Kubrick, je trouve. Enfin, qui voulait entretenir le mystère autour de l'hôtel, avec ce truc qui reste gelé à la fin, dont on ne sait pas quand est-ce qu'il se réveillera, et compagnie. Pour moi, ça participait à la force du film de Kubrick. Donc là, pour moi, on est sur de la trahison. Et finalement, les raisons pour lesquelles King aime le film le montrent bien. C'est il dit que pour lui, ça corrige les erreurs de Kubrick. Ouais, mais Kubrick, il est plus là pour se défendre. Donc, ouais, j'ai du mal avec cette manière de faire. C'est pour ça, au final. En fait, ça aurait été moins salaud envers Kubrick et envers la mémoire de Kubrick et du film de son adaptation de Shining de tout simplement faire fi de ce que lui a fait, et d'adapter Dr. Sleep vraiment fidèlement. Oui, voilà, parce qu'au fond, lui, le film Shining, personne ne pourra l'oublier, mais on peut faire... Enfin, on peut passer à côté, quoi. Ou alors, carrément... De même que personne n'oublie James Bond contre Dr. No, mais on cherche pas à le référencer dans tous les films. Voilà. Mais ou alors, au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts, et Mike Flanagan fait son Shining à lui, quoi. Et puis comme ça, voilà, au moins tu peux faire un Dr. Sleep fidèle au roman, quoi. C'est marrant le fait que ce téléfilm ait totalement disparu des esprits. Genre même dans les making-of et interviews, ça n'existe pas. C'est très étrange. Bah c'est parce que je crois que personne n'a été marqué par ce téléfilm. Hein. Bah raison après, parce que c'est... Je l'ai pas encore vu moi. C'est pas très très bien. Mais bon, je connais Mick Garris. Ah, et la reprise trop à l'identique de la réalisation, ça fait aussi sauter, je trouve, complètement un des twists. Parce que quand Rose est dans le labyrinthe de l'hôtel, comme ça reprend, pareil, absolument la réalisation de l'original, moi, pour moi, ça m'a tout de suite dit, bah, elle est dans l'esprit de Danny. Oui. Alors que c'est censé être un twist, ça. Mais pour moi, ça n'a pas marché une seule seconde à cause de ça. Mmh. C'est vrai que oui. J'avais pas relevé, tiens, sur le moment. Ouais, c'est... Alors là, je relis mes notes. C'est bon. Il y en a une qui me fait rire tout seul. Déjà en livre, c'est pas top, mais en film, c'est impressionnant comme le Neuvray semble sorti d'un épisode de Striptease. Voilà, je partage ma sagacité. Donc voilà, un échec complet, un échec parce que c'est trop un travail de fanboy. C'est qu'on avait déjà signalé sur certains trucs de Jesse d'ailleurs. Mais pour le coup, c'est revendiqué. Ouais, mais c'est pas parce que c'est revendiqué que c'est une bonne chose. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est voulu. Ah oui, c'est pas... totalement. Il voulait éviter le fanboyisme et il s'est raté. Non, c'est il voulait faire du fanboyisme. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a une référence à la tour sombre qui est ultra lourde quand Dick Halloran justement dit que le cas tourne et compagnie. Pareil, ça, t'as pas lu la tour sombre, tu comprends pas qu'est-ce que ça fout là, quoi. Enfin, voilà. Ça, en fait, j'ai été énervé tout le long du film. C'est pas seulement un film que j'aime pas, c'est un film qui m'énerve. Et en plus, ça dure 3 heures. Et en plus, ça dure 3 heures en version longue et je l'avais déjà vu au cinéma en version courte. J'ai gâché 5h30 de ma vie devant ce truc. Que Mike Flanagan te rendra pas. Hein. Ah oui, non, mais je vais lui écrire une lettre, il a intérêt à répondre. Hein. Toi, est-ce que t'as des trucs à rajouter ? Non, je pense qu'on en a fini avec cette catastrophe. Donc voilà, un échec en tant que film d'horreur, un échec en tant qu'adaptation, un échec en tant qu'hommage, un échec en tant que drame. Oui, voilà, parce qu'au final, c'est même plus un drame social qu'un vrai film d'horreur. Ouais, mais comme les personnages sont écrits à la truelle. Voilà, c'est ça. Enfin, on avait vu un Mick Garris déjà quand. Mike Flanagan, déjà, quand il a un bon matériau de base, comme dans Jesse, avec un bon personnage quand même, bah, il arrive à le massacrer, donc quand ses personnages marchent pas de base, C'est un désastre, quoi. Ça fait de la peine, limite. Voilà. Donc voilà. Allez, hop, on passe à une scène, on en finit avec cette merde. C'est parti. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Alors, pour l'extrait, nous avons choisi la scène de la confrontation mentale entre Abra et Rose. Rosie, donc cette dernière a eu un premier signe d'Abra dans un supermarché et cherche à la retrouver parce qu'elle a compris que cette fillette était surpuissante et avait énormément de vapeur en elle. Et donc elle va essayer d'entrer dans l'esprit d'Abra pendant que cette dernière dort et qu'elle est vulnérable. Alors donc nous nous intéressons à l'édition Livre de Poche de Dr. Sleep, traduite par Nadine Ghazi, ou Ghazier, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas ouais. trop comment ça se prononce. Et nous sommes à la page 415, au dernier paragraphe de la page 415. Rassemblant ses forces, elle poussa. Cette fois, la sensation de rotation ne la prit pas par surprise, puisqu'elle l'avait anticipée et la contrôlait complètement. Un instant, elle demeura dans ce couloir, le conduit entre leurs deux esprits. Puis, elle se retrouva dans une grande pièce où une petite fille avec des couettes pédalait sur un vélo en chantonnant une chanson sans queue ni tête. C'était le rêve de la fillette et Rose y assistait. Mais elle avait mieux à faire. Les murs de la pièce n'étaient pas de vrais murs, mais des tiroirs à dossiers. Maintenant qu'elle était entrée, elle pouvait les ouvrir à volonté. Dans la tête de Rose, la fillette rêvait paisiblement qu'elle avait 5 ans et qu'elle pédalait sur son premier petit vélo à roulettes. C'était parfait. Rêve donc, petite princesse. L'enfant passa près d'elle en pédalant, chantant la la la et ne la voyant pas. Les roulettes de son vélo apparaissaient et disparaissaient alternativement, et Rose comprit que la princesse rêvait du jour où elle avait appris à s'en passer. Toujours un grand jour dans la vie d'un enfant. « Amuse-toi bien sur ton petit vélo, ma poupée chérie, pendant que je découvre tout sur toi. » D'un geste assuré, Rose ouvrit un des tiroirs. À peine eut-elle plongé la main à l'intérieur qu'une alarme assourdissante se mit à mugir, et d'aveuglants projecteurs blancs illuminèrent la pièce, dardant sur elle autant de chaleur que de lumière. Pour la première fois depuis une foultitude d'années, Rose Clack, naguère Rose O'Hara du comté d'Outrim, en Irlande du Nord, fut totalement prise au dépourvu. Avant qu'elle n'ait pu retirer sa main du tiroir, celui-ci se referma. La douleur fut immense. Rose poussa un hurlement et se rejeta en arrière, mais sa main était solidement piégée. Son ombre grandit brusquement sur le mur, mais pas seulement la sienne. Tournant la tête, elle vit la petite fille foncer sur elle. Sauf que ce n'était plus une petite fille. C'était à présent une jeune fille en pourpoint de cuir ornée d'un dragon brodé sur sa poitrine naissante. La chevelure retenue par un bandeau bleu ceint sur son front. Le petit vélo s'était transformé en étalon blanc. Les yeux de celui-ci, tout comme ceux de sa cavalière, étincelaient. La jeune guerrière brandissait une lance. « Vous êtes revenu comme Dan l'avait dit. » Et elle éprouvait, incroyable pour une petite pecnode, même une bourrée de supervape comme elle, du plaisir. « Je suis bien contente. » L'enfant, qui n'était plus une enfant, s'était postée à l'affût pour l'attendre. Elle lui avait tendu un piège avec l'intention de la tuer, et vu l'état de vulnérabilité mentale dans laquelle Rose se trouvait, elle pourrait bien y arriver. Mobilisant toutes ses forces, Rose riposta, non pas avec une lance de bande dessinée, mais avec un bélier massif, mu par toute la puissance de ses années et de sa volonté. « Arrière, putain ! Recule, me touche pas ! Peu importe pour qui tu te prends, t'es qu'une fillette !» Sa vision d'elle-même adulte, son avatar, continuait de la charger. Mais la fillette tressaillit quand la pensée de Rose l'atteignit et sa lance, la manquant de peu, s'enfonça dans le mur de tiroir juste sous son flanc gauche. La fillette, c'est tout ce qu'elle est, continuait à penser Rose, fit tourner bride à sa monture. Se tournant vers le tiroir qui la retenait, toujours prisonnière, Rose affermit sa main libre dessus et, au mépris de la douleur, tira de toutes ses forces. D'abord, le tiroir résista. Puis il céda un peu et elle parvint à lui arracher la moitié de sa paume et de son pouce. Sa peau écorchée saignait. Autre chose était en train de se produire. Rose éprouva une sensation de volettement dans la tête, comme un oiseau battant des ailes. Qu'est-ce que c'était encore que ce bordel ? S'attendant à sentir la foutue lance s'enfoncer dans son dos à tout moment, Rose tira violemment sur sa main et acheva de la libérer. Elle replia les doigts juste à temps et referma le poing. Si elle avait attendu une demi-seconde de plus, le tiroir les lui aurait sectionné net en se refermant d'un coup sec. Ses ongles palpitaient. Dès qu'elle put les regarder, elle sut qu'elle allait virer au violet foncé, la couleur du sang qui s'y était accumulé. Elle se retourna, la fillette avait disparu. La pièce était vide, mais la sensation de volettement continuait. Il s'était même intensifié. Soudain, elle ne pensait plus du tout à la douleur dans sa main et son poignet. car elle n'était pas seule à avoir actionné la plaque tournante, et peu importait que, dans le monde réel où elle était allongée sur son lit double, elle ait toujours les yeux fermés. La petite salope aussi se retrouvait dans une pièce remplie de tiroirs à dossiers. Sa pièce, sa tête. De cambrioleuse, Rose était devenue cambriolée. Dégage, dégage, dégage! Le volettement continua, s'accéléra. Balayant d'un coup sa panique, Rose lutta pour retrouver sa concentration et sa clarté d'esprit. Elle y parvint juste le temps de déclencher la rotation de la plaque tournante, qui était devenue étrangement lourde. Tourne, monde! Tandis que la plaque tournait, l'affolant volettement dans sa tête commençait à diminuer, avant de cesser tout à fait, à mesure que la fillette était renvoyée d'où elle venait. Sauf que ce n'est pas vrai, et c'est beaucoup trop grave pour que tu te payes le luxe de te mentir à toi-même. Tu es venu pour elle, et tu es tombé dans un piège. Pourquoi? Parce que, malgré tout ce que tu savais, tu l'as sous-estimé. Rose ouvrit les yeux, s'assit, balança les jambes hors du lit. Elle heurta la cartouche vide sur la moquette et y flanqua un coup de pied. Son t-shirt de l'université du Colorado était trempé. Elle puait la sueur. Une odeur de gros porc, tout sauf séduisante. Incrédule, elle considéra sa main écorchée, contusionnée, et qui enflait. Ses ongles viraient déjà du violet au noir, et elle pensait qu'elle en perdrait au moins deux. « Mais je savais pas, dit-elle. J'avais aucun moyen de savoir. » Elle détesta le ton gênant de sa voix, une voix de vieille femme acariâtre. « Absolument aucun. » Il fallait qu'elle sorte de ce maudit camping-car. Ça avait beau être le plus grand et le plus luxueux du monde, à cet instant, il lui faisait l'effet d'un cercueil. Elle tituba vers la porte en se cramponnant aux éléments pour ne pas tomber. Avant de sortir, elle jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 2h-10. Incroyable. Tout s'était produit en à peine 20 minutes. Combien de choses a-t-elle découvertes avant que je me débarrasse d'elle? Combien en sait-elle? Aucun moyen de le savoir exactement. Même un tout petit peu pouvait s'avérer dangereux. Il fallait régler son compte à cette morveuse et vite. Rose sortit dans la pâle clarté lunaire et aspira une dizaine de longues et bienfaisantes bouffées d'air frais. Elle commençait à se sentir un peu mieux, un peu plus elle-même, mais elle n'arrivait toujours pas à se débarrasser de cette sensation de volettement. Cette sensation d'avoir quelqu'un à l'intérieur d'elle. Une pecnode, rien que ça, en train de fouiller dans ses affaires personnelles. La douleur avait été atroce, mais la surprise de se voir ainsi piégée avait été pire. Et le pire de tout, c'était l'humiliation et l'impression de viol. Violée et volée. Tu vas me le payer, princesse. T'as choisi la mauvaise chienne à qui venir te frotter. Une silhouette s'avançait vers elle. Rose, qui s'était installée sur la marche supérieure du marchepied de son véhicule, se leva, tendue, prête à n'importe quoi. Puis, la silhouette se rapprochant, elle vit que c'était Skunk. Il était en pantalon de pyjama et pantoufles. « Rose, je crois que tu ferais bien... » Il s'interrompit. « Nom de Dieu, qu'est-ce que tu as fait à ta main ? Fous la paix à ma putain de main, cria-t-elle. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici à 2h du matin, surtout sachant que je serai occupé ?»« C'est grand pas flop, » dit Skunk. « Il est mourant. » Très bien, merci pour cette lecture, Chris. Nous allons maintenant écouter la même scène dans le film. Au ralenti. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il faut maintenir les running gags. Dors bien, petite princesse. Oh, les plouks. Vous passez votre vie à fabriquer des petites boîtes, des petits souvenirs. Ça vous donne l'impression d'être tellement riche. Tu verrais les miens, cocotte. Oh, ma tête est une cathédrale. Oh, salut, toi. Il a dit que tu allais revenir. Et te voilà. Cool. N'approche pas ! N'approche pas ! voilà, donc c'est passé. Alors bon, c'est pas de chance parce qu'effectivement, en fait, on l'a dit, un des principaux attraits de cette scène, c'est son visuel. Donc vous, vous avez juste conservé les aspects chiants. Voilà, c'est problématique. Mais entrons un peu plus dans les détails. Elle est chouette pour ce qu'on a évoqué déjà avant, c'est-à-dire le design global. Et encore une fois, et là on l'a pas trop évoqué quand on a parlé de cette scène, la lumière. Le projecteur déjà braqué sur Rose quand elle se fait repérer par Abra. Et la lumière globale, en fait, la lumière, tu sais, qui provient de l'extérieur, les petites loupiottes autour du lit d'Abra. Enfin, vraiment, visuellement, il y a un véritable cachet qui est apporté à cette scène. Ouais. En plus de la tension qui marche un chouïa, qui pourrait marcher un peu mieux sans cette ambiance musicale de merde, on l'a déjà évoqué. Du coup, c'est vraiment dommage, quoi. Enfin, cette scène, avec une meilleure bande-son, c'était bingo, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'à la fin du film, dans l'Overlook, il n'y a pas du tout la réutilisation des idées de mise en scène qui sont introduites ici avec... forcément, ça se passe dans l'esprit, donc tout ce qui est gravité, distance, on peut complètement jouer avec. C'est bête que ce ne soit pas réemployé dans le final. Ah oui, c'est ça qui... C'est pour ça que le passage de l'Overlook n'a ni queue ni tête, quoi. C'est beaucoup mieux un combat mental. Ouais. Voilà. À la limite, dans un Overlook mental, si à ce point-là, à le faire revenir. À la limite. Je trouve que le changement de design d'Abra entre les deux versions fonctionne bien, parce que c'est vrai que le côté chevalier, enfin chevalière de bande dessinée, ça fonctionne bien dans le livre, ça fait vraiment là aussi héroïne qu'elle a dû voir dans une BD de son enfance. Et il y a à peu près la même idée dans le film, sauf que si elle avait été sur un cheval blanc avec une lance, effectivement ça aurait peut-être eu l'air un peu ridicule, un peu too much. Tandis que là elle est beaucoup plus immobile, c'est beaucoup plus basé sur... une apparence angoissante que sur une apparence épique, comme c'est le cas dans le livre. Oui. Mais les deux fonctionnent. Oui, les deux fonctionnent très très bien, oui. J'aime bien aussi l'idée... On a très peu d'informations sur le palais mental de Rose dans le livre. On sait que Abra fouille dedans, mais on sait pas à quoi il ressemble. Dans le film, je trouve que c'est une bonne idée de le voir et que ce soit un immense château. Une énorme bibliothèque avec des bouquins de partout, ouais. Et c'est cohérent pour une femme qui est vivante depuis des centaines et des centaines d'années. Elle a dû accumuler une quantité de souvenirs énorme, donc c'est cohérent qu'elle ait besoin d'une pièce comme ça. Même si, du coup, l'aspect donné dans le film, qui a un aspect très, en fait, très victorien dans le design, du coup, ça va pas du tout avec son design de de punk à chien un peu dégueulasse. Ouais, enfin, à ce moment-là, il aurait fallu que ce soit une décharge publique en palais mental et ça aurait moins bien marché. Mais là, ce que je veux dire, c'est... T'aurais pu coller son aspect visuel à son palais mental, en fait. Ouais, ou alors faut prendre son palais mental comme étant de l'époque... De laquelle elle vient, mais elle est plus vieille. On sait pas quel âge elle a exactement, Rose. Non, mais dans l'extrait que j'ai lu, il y a un moment où on revient sur son nom de base, O'Hara de... D'Irlande, mais sans dire à quelle époque. Oui, mais le fait qu'il y ait des particules dans tous les sens, ça te laisse supposer qu'elle vient un petit peu de la haute. Ouais. Et donc, tu peux comprendre l'aspect un petit peu beau comme ça de son palais mental. Ouais, on peut dire que c'est une trace qui reste de ça. Voilà. Et donc du coup, tu te dis qu'elle est tombée bien bas, quand même. Ouais, c'est ça, et encore une fois, de manière totalement inexplicable. D'ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'elle fout aux États-Unis ? Ils sont tous réunis aux États-Unis, les mecs qui ont le Shining. Mais ça aussi, c'est pas tellement évoqué. Oui, mais ça, après, c'est comme la majorité des œuvres américaines, quoi. Oui, non, mais admettons. Mais... New York est toujours l'épicentre de tout ce qui se passe de dramatique dans tout le cinéma catastrophe. Ouais, et puis pour le coup, dans le livre, on ressent bien aussi qu'elle est totalement vulnérable à ce moment-là. On ressent bien l'inversion, en fait, le moment où ça vrille et où elle se rend compte qu'elle est devenue victime. Ouais, et c'est quelque chose qui est bien adapté dans le film, ça aussi. Ouais. La menace, tout d'un coup, et comme c'est dit dans le roman, pour en prendre une citation du texte, la cambrioleuse qui devient la cambriolée, quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est très très bien transcrit, avec un aspect plus horrifique dans le film. Ouais. Et puis Abra quand même qui... Enfin, Rose qui se rend compte qu'Abra ressent un certain plaisir à dominer. Oui. Et là aussi, je trouve ça intéressant à ce moment-là. Et surtout que c'est une menace à laquelle elle s'attendait pas. Ouais. Qu'elle est beaucoup plus... qu'elle y allait en mode easy-peasy, finger in the nose, et pas du tout, en fait. Donc ouais, c'est un des moments... oui, on a essayé d'être un peu honnête, on a choisi un moment qui fonctionnait dans le film, à peu près. Ah oui. L'une des rares fois. Ouais. Et encore sans le son, mais bon, à peu près. Après, oui, on aurait pu choisir la mort du gamin, mais elle est beaucoup mieux dans le film qu'elle ne l'est dans le roman. Donc, oui, dans le roman, elle est pas faux folle. Dans le roman, elle est plus anecdotique qu'autre chose, quoi. Dans la version film, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le jeu du gamin y est pour beaucoup. Hein. Il joue très très bien. Ouais, il joue vraiment bien le gamin. Ça. Donc c'est aussi pour ça que la scène est bien. Donc voilà, moi je vois rien d'autre à dire. On a essayé de vous montrer un moment qui marche dans les deux. Il n'y en a pas beaucoup. Non. On va dire que maintenant vous pouvez vous passer de regarder le film et d'acheter le livre. En fait, vous avez eu tout ce qui était nécessaire. Voilà. Je pense qu'on peut passer à notre classement. Ouais. Et je pense qu'on va encore être méchant. C'est parti pour le classement. Donc, comme d'habitude, vous commencez à connaître la formule « Je m'occupe du classement des livres » et « Issam s'occupe du classement des films ». Au niveau des livres, nous en sommes à 21 œuvres. Nous mélangeons romans et nouvelles. Le trio de tête étant composé de Cimetière, de La Part des Ténèbres et de Dead Zone, alors que, à la fin, nous avons La Pastorale, L'Année du Loup-Garou et Grand Chauffeur. Alors, je ne vous cache pas que Dr. Sleep, je regarde le bas de la liste, hop, et voilà, je scrolle vers le bas, comme on dit. Et, ben moi je le fous, en nouvelle 21ème position, entre Grand Chauffeur et L'Année du Loup-Garou. Alors, je vais donner mon avis pourquoi je pense que Dr. Sleep, même si c'est totalement nul à chier, je ne le mets pas dernier. Parce que Grand Chauffeur, il y a le fameux trope de la femme qui ne peut devenir que puissante en étant violée, un trope que je déteste par-dessus tout, et rien que pour ça je ne peux pas mettre Dr. Sleep en dernière position. Je pense que Grand Chauffeur le mérite bien plus. Rien que pour ce trope-là. Ouais, il y a tout le côté vengeance personnelle que j'aime pas beaucoup dans Grand Chauffeur non plus, mais personnellement, c'est tellement long, Dr. Sleep, et pour moi, il y a des tels problèmes de structure. C'est-à-dire, Grand Chauffeur, ça repose sur des tropes que j'aime pas, mais la structure d'ensemble... Enfin, si, c'est trop long sur la fin, en plus, mais ça, même la structure d'ensemble est quand même mieux que celle de Dr. Sleep, que je trouve vraiment désastreuse. Mmh. Pour moi, c'est... Enfin, je vois vraiment quasi aucune qualité à Dr. Sleep. Pour moi, c'est vraiment le moment où, niveau écriture, King est le pire. Donc, malgré la différence de trope, j'aurais mis en dernier. Est-ce qu'on va se battre? C'est... Non, c'est... Dernier ou avant-dernier? Franchement, on peut le faire à Pierre Feuille-Ciseaux. Parce que, bon, après, on est d'accord que L'Année du Loup-Garou, c'est pas bien, mais ça veut dire que 100 pages. Oui, voilà, et puis il y a 2-3 moments rigolos, voilà. Voilà, et puis après, c'est pareil pour tous les autres. Hein. La Pastorale, bon, c'est anecdotique, mais ça dure 20 pages. Et en fait, c'est cet argument qui revient le plus souvent. Ouais. Ça ne dure pas 3 plombes, voilà. Et là aussi, hein, Grand Chauffeur, ça en dure 150, Dr. Sleep, ça en fait 700. Ah, c'est vrai, mais il y a vraiment ce truc... en fait, il y a ce défaut ultra misogyne qui est tellement présent chez King. Et en fait, c'est ça qui me donne envie de sanctionner Grand Chauffeur en le foutant dernier... Ad vitam aeternam, quoi. Enfin, ad vitam aeternam, on verra un jour si on en trouve vraiment pire. Ouais. Mais il y a ce trope-là, qui n'est pas présent dans Dr. Sleep, enfin, qui est un petit peu présent, mais ça en fait pas le climax du roman, en fait. Ouais. Voilà. Après, on peut faire ça pire feuille. Non, bah, je vais te l'accorder, allez, c'est bon, c'est pas grand-chose. Retenez quand même que c'est quand même de la merde. Hein. Voilà, c'est ça. Même s'il y a un truc derrière. Donc du coup, Grand Chauffeur devient 22e et Dr. Sleep devient le 21e de notre classement des romans et nouvelles. Et on est bien content de l'avoir lu. Ouais, on est bien content que ça soit derrière nous. Surtout. Et bien du coup, maintenant, je te laisse la parole pour le classement des films. Eh bien, pour les films, nous avons... Il y a 27 films pour l'instant. Nous avons en première place Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières places, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris. Mike Flanagan, toujours au même bon coup. Depuis le début, un des gros trucs qui nous a poussé à ne rien mettre en dessous du fléau, c'est que le fléau dure 6 heures et que donc tout ce qu'on a vu pour le moment, il y avait moins l'effet d'ennui. Sauf que Dr. Sleep s'en dure quand même 3. Donc pour moi, là, cet argument devient beaucoup moins valable. Et ça, en fait, le fléau, j'aime pas, je trouve ça nul, mais il y a... Ce qui m'énerve dans le film Le Fléau, c'est la morale qui est issue du livre. Mmh. C'est tout le côté... tout le rapport à la religion qui me gêne, on en a parlé. La structure est pas top non plus, mais elle est pas plus dans Doctor Sleep. La photographie est bien meilleure dans Doctor Sleep, on est d'accord, ainsi que le jeu d'acteur globalement, même s'ils sont pas extraordinaires. Mais c'est tellement nul au niveau de l'écriture des personnages, c'est tellement nul au niveau de la musique, c'est tellement nul dans son processus, dommage. Et en fait, c'est des trucs qui m'énervent vraiment, que pour moi, ça va en dessous. Pour moi, c'est la dernière place, le film. Enfin, c'est... Je veux pas revoir ce truc. Ah mais, je suis d'accord que les personnages du fléau sont bien plus intéressants que les personnages de Victor Sleep. Ouais, pas forcément tous, mais... Pas forcément tous, partie, mais voilà. Mais... Et puis voilà, ça m'énerve, en fait. Vraiment, Doctor Sleep, ça m'énerve de le voir, parce qu'il y a des trucs que je trouve ultra crispants dedans. Donc, pour moi, c'est la dernière place. Et moi, il y a un autre détail que t'as pas évoqué, du coup. C'est que le fléau est handicapé par son format télévisuel qui, du coup, lui impose une certaine autocensure. Aussi, oui. Là, Omid Garis, clairement, quand tu vois les interviews, il a eu carte blanche. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ses décisions, c'est ses choix créatifs, c'est ses choix médiocres. Et ses choix créatifs sont pas bons. Ouais. Tout simplement. Et voilà, on va pas dire... On va pas tourner autour du pot. Le fléau, c'est en partie raté parce que il y a des studios... Enfin, il y a des studios. C'est pas des studios, c'est juste que ça passe à la télé, supposément, à une heure un peu de grande écoute. Donc, enfin, de grande écoute, de grand visionnage. Donc, il faut faire un minimum attention et donc, tu dois t'auto-réguler. Ouais, bah, on l'avait évoqué, d'ailleurs. C'est pour ça que Romero avait abandonné le projet. Voilà. Et c'est aussi potentiellement pour ça que la nouvelle série, Le Fléau, là, qui vient d'être diffusée sur la chaîne Stars, il me semble, aux États-Unis, sera peut-être potentiellement mieux. Parce que c'est une chaîne du câble, c'est pas un grand network, et donc du coup tu peux faire un peu plus ce que tu veux. On verra quand on la verra, on verra quand tu la rajouteras dans le chapeau et quand tu la tireras. Voilà. Mais, avec ma chance voilà. Habituelle, ça va être le premier truc que je vais piocher dès que je l'aurai rajouté. Mais donc, voilà, faut pas oublier ça. C'est que Le Fléau, il y a des soucis, mais c'est pas entièrement de la faute de Mick Garris, pour le coup. Donc pour moi, ouais, dernière place. Hein. Ah oui, je suis d'accord. D'accord, bon bah, voilà. Donc, nous avons un nouveau dernier avec Doctor Sleep de Mike Flanagan. Ça veut dire que Les Démons du Maïs de Donald Pebercher sort du flop 3. Je pense que lui-même n'y croirait pas, hein, si ça avait enlevé. Et voilà, bah, deux places de ce flop 3 sont occupées par Mike Flanagan. Franchement, bah, encore une fois, il y a des avis, beaucoup même d'avis opposés, mais pour nous, fuyez ces deux adaptations. Hein. Elles sont désastreuses. Oui, mais c'est l'occasion de rappeler que cette liste n'engage que nous. Ah oui, oui. Voilà, c'est uniquement notre avis. Vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord, mais s'il vous plaît, n'écoutez plus notre podcast. Payez-nous une amende. Voilà. Avant de passer au tirage au sort, quelques nouvelles sur les adaptations à venir. Il va y avoir, on vient de l'apprendre, une adaptation de Running Man, une nouvelle adaptation de Running Man par Edgar Wright, et c'est quelque chose qui me rend très curieux, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur-là. Ah oui, clairement. Et je pense qu'il peut faire un boulot formidable sur ce roman, qui est déjà dans le chapeau, parce qu'il a déjà été adapté une première fois. Il y a eu les premières images, même si très rapides, de la série adaptée d'Histoire de ici sur Apple TV, donc je ne savais pas que le tournage avait repris, mais du coup c'est quelque chose qui va être diffusé d'ici quelques mois. Mmh. Et la diffusion de la série Le Fléau qu'on vient d'évoquer est maintenant terminée, donc on va pas tarder à pouvoir la rajouter au chapeau. L'intégralité est disponible, parce qu'il me semble que c'était une mini-série d'une seule saison du coup. Ouais, bon, en même temps, là, pour le coup, à moins de partir en Walking Dead... Ah oui, bah après, l'intérêt de prolonger. Sous-estime pas la puissance de la télévision américaine. Hein. C'est pas faux, mais comme je crois que c'est King qui a écrit la fin de l'épisode, du dernier épisode, voire tout le dernier épisode, je pense qu'il a mis un point final et que là, il sera assez rigoureux. Je te rappelle quand même que Colorado Kid, donc 100 pages, voire moins, a été adapté en série télé... Sur 5 ou 6 saisons. Hein, ouais, après, c'est le principe qui a été repris. Le principe, c'est un procédural, en fait, la série Colorado Kid, non ? Ouais. Même rien à voir avec le roman. Ouais. Et en parlant des romans, donc, il y a Later, qui va sortir très bientôt, et plus tard dans l'année, il y a un roman appelé Billy Summers qui a été annoncé, plus le troisième tome qui fait suite à Gwendy et la boîte à boutons. Le deuxième avait été écrit par Richard Sheesman seul. Le troisième, il y a de nouveau King en co-auteur. On ne sait pas si ça sortira cette année ou en début d'année prochaine, mais c'est terminé, visiblement. Donc il a été méga productif. Et on va pouvoir aussi rajouter l'Outsider à notre liste, vu qu'il semblerait que la série ait été annulée et que ça soit qu'une seule saison. Ouais, a priori. Donc effectivement, on va pouvoir mettre ça aussi. On est content. On passe au tirage au sort ? Eh ben, allons-y. Et c'est toi qui avais tiré Dr Sleep, hein, donc méfie-toi cette fois. Peut-être que je vais tirer Salem. Peut-être que je vais tirer Shining. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que je vais tirer le mauvais Shining. Ça non plus, tu ne sais pas. C'est bon, t'as un papier ? J'ai un papier dans la main, Issam. Je te rends le chapeau. Alors... Non, le mauvais Shining ? Les démons du maïs. Lequel ? De Fritz Kirsch. Ah bah c'est l'original au moins, tiens. Enfin, les démons du maïs, l'original. On va enfin connaître le début de cette saga, tiens. Et donc, moi... Quatrième enfant du maïs en deux saisons, frère. Alors... The Mangler Reborn de Matt Cunningham et Eric Gardner. Alors, ce n'est pas The Mangler. Ce n'est pas The Mangler 2, c'est The Mangler 3. Donc la presseuse. Voilà, la presseuse. Je ne l'ai pas vu celui-là. Je sens que ça va être magique. Ah merde. Oh là, il va être beau le prochain run. Donc on reste encore une fois dans ce macabre. Bon, bah, on va préparer ça, hein. C'est, j'espère que ce sera mieux que... Ah bah, ça sera plus marrant, déjà. J'espère. J'espère, en tout cas. Voilà, donc on se retrouve dans deux semaines pour les démons du maïs. C'est original, ça. Hein. Comme une impression de déjà vu. Ouais, un jour sans fin, un peu, des fois, quand même. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédesbulles pour moi. Ouais, sur Twitter. Nous sommes aussi présents dans d'autres podcasts qu'on essaie de reprendre en ce moment, je sais pas où ça en sera quand cet épisode sortira. Casse sur table consacré aux comics, manga, BD, et La guerre des clapes consacrée au cinéma en général. Nous les co-animons avec Necronomicor. Coucou si tu nous écoutes. Coucou. Vous pouvez en trouver sur Discord. Exactement, le lien sera en description de cet épisode. Voilà. Dr Sleep a été traité par le Club Stephen King dans leur podcast Le Roi Steven, donc allez-y si vous voulez. Pour avoir un son cloche différent, je n'ai pas eu le temps de l'écouter encore, j'en suis désolé. Et en attendant, nous vous disons à bientôt, et n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut. Sorte de ce maudit camping-car. Ça avait beau être le plus grand et le plus luxueux du monde, à cet instant, il lui faisait l'effet d'un cercueil. Ça reste un camping-car de clodo aussi, hein. Oui. Non mais...